Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux et qui domine même dans le noir, Théma, la taille du grand écart. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour. Et je suis aussi avec Exerve. On a attendu un mois pour retrouver cet humour sophistiqué. Et voilà, merci. C'est comme ça qu'on reprend, c'est comme ça qu'on prend l'été avec cet épisode de juillet. Je rappelle que voilà, il n'y a eu qu'un épisode, là de toute façon on est fin du mois, donc voilà, un seul épisode en juillet, un seul épisode au mois d'août, et puis en septembre. Eh bien, on reprendra le rythme intense de 2 épisodes par mois. Saison 6, grosse saison. Oui, qui va être assez dingos déjà au niveau du programme, vous le savez, il y aura les invités. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que le 30 septembre, à la bibliothèque du Centre Pompidou, à Paris, à la capitale, à la ville lumière, il y aura un enregistrement en public d'un Fin du Game. Voilà, c'est la première fois qu'on va pouvoir faire ça. On a été invité dans le cadre du festival Prestart, qui est donc organisé par la bibliothèque du Centre Pompidou. C'est un festival qui est consacré aux jeux vidéo, notamment à l'e-sport, avec une thématique un peu e-sport. Et justement, nous, on fera notre épisode sur Overwatch à ce moment-là. Donc, je répète, ce sera le 30 septembre. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Il faut le savoir. Je crois qu'on nous a annoncé qu'il y aura un peu plus de 150 places, 160, un truc comme ça. Bref, vous pouvez venir. On va être à guichet fermé, tu sais, ils vont faire un rappel. On va être obligé de refaire l'épisode. Moi, je veux faire des stories sold out. Alors ouais, en fait, ouais, c'est pas du tout sold out, hein, c'est gratuit, vous pourrez rentrer, oui, voilà, c'est ouvert à tout le public. Donc voilà, si vous êtes dans le coin à ce moment-là, et bah passez nous voir, on fera voilà un enregistrement en live quoi, avec vous. Et si vous ne l'êtes pas, vous inquiétez pas, ça sera évidemment un épisode qu'on va enregistrer nous-mêmes en fait, qui sera enregistré du coup par les équipes de la BPI et on vous le diffusera sur les plateformes habituelles en temps et en heure, vous inquiétez exactement, pas. Exactement, il y aura le montage, voilà, tout sera clean, mais après en direct aussi, il y aura peut-être une petite session, voilà, questions-réponses avec le public, yes. On profitera de cette occasion pour faire ça. On est grave content, ça va être chouette, c'est un nouveau défi déjà d'enregistrer en public, ça c'est voilà, ça va être une nouveauté pour nous. Et puis voilà, le Centre Pompidou quand même, ouais, maman, non, mamie, grand, si vous nous écoutez, voilà, ouais, on a quand même réussi notre vie. On était au Reset Bar il y a quelques mois, maintenant on est à Pompidou. Je veux dire, tu vois, on commence à tracer comme ça, petite moi, diagonale. Dans 2 ans, on est sur la Tour Eiffel, tout simplement comme ça, les pieds dans le vide, voilà, en chantant des petites chansons. Je vois le clip de PNL avec toi, ouais, là, comme ça. Maintenant, il faut chanter quand on est sur la Tour Eiffel. Bien sûr. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Tom Clancy's Splinter Cell. On va revenir sur ce jeu sorti au début des années 2000 qui avait exploré un peu le genre d'infiltration. On va revenir sur son contexte de création. Il y a des petites choses intéressantes à noter. Et puis voilà, ses idées de gameplay, sa proposition. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui à la fois de Splinter Cell, mais aussi du genre infiltration, c'est le programme qu'on vous propose pour cet épisode de juillet. Mais avant ça, on va remercier notre sponsor Top Achat, qui est un site sur lequel vous pouvez acheter des composants informatiques de tout type, des cartes mères, des cartes graphiques, des barrettes de RAM, tout ce qu'il vous faut pour jouer sur PC. Et surtout, ce qui est cool avec Top Achat, c'est le configomatique, qui est un outil qui permet vraiment de construire sur mesure votre bécane. Pour avoir fait un petit tour dessus assez récemment, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez vraiment budgétiser chacune de vos composantes vraiment sur vos prix. Et puis voilà, ce qui est cool aussi, c'est que si vous n'êtes pas un grand aventurier comme moi, vous pouvez aussi rajouter un petit montage de PC. Il y a différentes formules et comme ça, le PC, il arrive chez vous. Ouais, et il est vous emballé, le branchez, mais alors c'est vraiment royal. Ouais, ouais. Il arrive chez vous, vous le branchez, c'est bon, vous pouvez jouer. Exactement. Enfin, vous pouvez faire d'autres choses sur un ordinateur, c'est possible, mais... Vous pouvez installer Steam. Vous pouvez installer Epic Games Store. Vous pouvez installer plein de choses dessus. Pensez à mettre à jour vos pilotes de cartes graphiques et c'est bon. Et c'est bon, c'est parti. Donc voilà, Top Achat, tous les composants. Et encore une fois, on le dit à chaque fois, mais ce qui est vrai, c'est n'hésitez pas à les pinguer sur les différents réseaux si jamais vous avez des questions, parce que c'est pas forcément... C'est quand même un gros chantier de se monter un PC, parce que tous les composants, ça peut être un peu impressionnant. Bah, surtout qu'aujourd'hui, c'est un sacré budget, hein, parce que dès que tu veux une machine déjà, gamer, les prix des cartes graphiques ont quand même beaucoup explosé. Il y a pas mal de même choses si ça s'est restabilisé compte. Un petit peu, c'est mais un peu déjà moins, c'est de nouveau disponible, ouais. Merci le Bitcoin, mais le truc c'est que c'est un sacré budget, donc c'est des trucs, si vous voulez les garder quelques années, demandez-leur des conseils, ils ont un bon service client, ils sont sympas. Exactement, prenez le temps avec Top Achat. On les remercie de sponsoriser cette émission et on va pouvoir attaquer pour être tout à fait transparent avec vous, juste avant l'enregistrement de cette émission, on s'est dit les musiques de Splinter Cell, bah, elles sont pas fofolles. Hein. C'est ma faute. Dans ma tête, tu vois, je m'étais dit trop bien, enfin Splinter Cell, on va pouvoir mettre des super musiques. Et parce qu'en fait, une grande partie de l'OST a été composée par Amon Tobin, qui est bon, voilà, un DJ assez connu, mais pas le premier. En fait, moi, j'ai confondu. Hein. Il y a des moments où je vais peut-être confondre avec Chaos Theory ou Pandora's Tomorrow, parce que les jeux se mélangent un peu dans ma tête. Mais voilà, en fait, au bout d'un moment, ils ont changé de compositeur. Et pour le premier, j'ai même pas noté son nom, le pauvre, désolé aux familles, mais on va laisser DJ Max se démerder. il va nous choisir ça. L'été, je vais regarder le top 50 Energy Hit Sony, je vais mettre un petit Yakalelo. Avant d'y aller. Bah, peut-être le top 2002, tu vois, ça va un peu ce qu'il y avait. Moi je vais écouter. Il y a un concept, attends, on prend une musique comme ça de l'année de sortie. Ah, l'été 2002, et bah écoutez, voilà, on se retrouve juste après le tube de l'été 2002. Alors, Tom Clancy's Splinter Cell, c'était sorti le 18 novembre 2002, c'était sorti en exclusivité sur Xbox, et puis quelques mois après, c'est sorti sur PC, sur GameCube, sur PlayStation 2, mais dans des versions un petit peu différentes. Hein. Il faut le savoir que les versions PS2 et GameCube, bah, c'est un peu des sous-versions, entre guillemets, parce que voilà, c'est un petit peu moins détaillé. Ça fait 30 secondes que l'épisode est démarré, la guerre des consoles est lancée. Non, il n'y a pas de guerre des consoles, c'est juste que bah, forcément, il n'y avait pas tout à fait la même puissance sur ces consoles-là, notamment la GameCube. Et Et forcément, là, ils avaient dû redévelopper un petit peu les versions. Et puis, il y a aussi plein de versions mobiles qui sont sorties, voilà, des jeux en 2D que vous pouviez jouer sur votre petit Nokia. Souvenez-vous, le WAP. Souvenez-vous. Sur Game Boy Advance. Il y avait la compatibilité Advance, le câble Link, machin, avec la GameCube. Et je crois que tu pouvais... Tu pouvais hacker des trucs dans le jeu. Tu pouvais voir la carte. C'est l'époque. C'était l'époque. Tu avais des trucs avec la GameCube. Nintendo faisait ça. On pense à Corentin Lamy du Monde, pour voir qu'il y avait ça à Engage et qui devait être le seul type au monde à jouer Splinter Cell dessus. On l'embrasse évidemment. C'était développé par Ubisoft Montréal, c'est publié par Ubisoft, et justement on s'est dit, c'est pas le premier épisode qu'on fait sur Ubisoft, certainement pas, mais on n'avait jamais raconté l'histoire, la genèse de cette entreprise avant tout familiale française, bretonne même, et oui, ce qui est pas vraiment français. La deuxième guerre est lancée. Bon, c'est l'été, écoutez, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de revenir un petit peu sur la famille Guillemot, donc, du coup, qui est une fratrie de 5 frangins, et leur mère aussi, qui les a pas mal dépannés. Et en fait, au départ, c'est une famille qui bossait dans l'équipement agricole. Mm-hmm. Donc, des tracteurs, on va dire. Moissonneuse-batteuse. Je sais pas exactement ce qu'ils vendaient, tu vois, c'est la page Wikipédia qui me dit ça, mais je me souviens qu'il y avait un truc comme ça, ils avaient le tractomatique, tu vois, ou tout ce que tu veux. Et bref, ils décident, en fait, assez tôt, dès les années 80, de se lancer un petit peu dans l'édition de software, et ils se rendent compte en fait que beaucoup de choses se font en Grande-Bretagne, mais peu de gens en fait importent ça en France. Mm-hmm. Et donc ils se lancent dans un premier temps juste sur de la vente par correspondance d'import de logiciels, et c'est comme ça qu'ils vont lancer la famille Guillemot, enfin la marque Guillemot, qui était une marque de hardware. Mm-hmm. Pendant pas mal d'années, voilà, moi j'avais une carte graphique Guillemot dans les années 2000, et un peu plus tard ils vont lancer Ubisoft, où ils vont lancer dans leur garage qu'on appelle un château. Oui, c'est ça, voilà, c'est un petit développeur. Dans le garage du château. Voilà, éventuellement, dans le garage du château, il y avait... Il y a le pont-levis qui s'ouvre comme ça, et après, t'arrives dans le garage où tu as plusieurs coches, voilà, qui sont parce que c'est vraiment... Et en plus, il y a des photos, donc voilà. Allez chercher, si vous voulez, il y a le manoir Guillemot, ça existe, c'est comme Tomb Raider, un peu. Il y a un délire comme ça. Et donc, ils ont lancé leur petit studio de développement, et parmi les premières équipes, parce qu'au début, Ubisoft, ils étaient 6 ou 7, il y avait un certain Michel Ancel, qui était là déjà dès la fin des années 80, et aussi un certain Serge Asquette, qui depuis n'est plus là, lui, pour le coup. Mais tout ça pour dire qu'en gros, Ubisoft, c'était vraiment une espèce d'entreprise familiale au départ, avec cette idée d'être un peu innovant, on va le dire. Enfin, vraiment, ils étaient un peu précurseurs en France sur l'approche de la micro-informatique et plus tard des jeux vidéo. Et donc, voilà. Sinon, après, pour le reste, qu'est-ce qu'on peut dire ? Michel Ancel, un jour, il a trouvé l'amour. Il est allé à Montpellier. Il s'est installé là-bas. Il est resté en bon contact avec nos amis bretons. Et donc, il leur a envoyé un projet d'un truc qui s'appellera Rayman. Exactement. Voilà. Et puis après, on va pas refaire toute l'histoire. Non. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'Ubisoft va très, très vite se développer, va réussir et va ouvrir plein de studios. Dès les années 2000, hein, années 90, oui, c'est ça, tu vois, ils ont déjà ouvert donc Annecy, Shanghai, Montréal, ça on est en 97, ouais. Et Milan également. Exactement. Coup, 8 000 ans. Et petite trivia, c'est qu'aujourd'hui, deux décennies plus tard, plus tard, ils sont quelques 21 000 employés. Donc voilà, la réussite, tout simplement. Partie de rien. Ah non, ils n'étaient pas partis de rien. Pardon. donc on va revenir sur Ubisoft Montréal. Tu l'as dit, ça a été fondé en 97 avec l'objectif de dominer le monde avec des licences originales. Ce qui ne sera pas tout de suite le cas, puisque avant de faire Splinter Cell, qui sera leur premier jeu original, ils vont faire deux jeux d'adaptation, donc qui s'appellent Tonic Trouble et un Donald Duck, qui étaient des adaptations, le premier d'un bouquin, l'autre de Donald Duck, quoi, donc d'une licence connue. Mais ce qui est intéressant avec Splinter Cell, c'est que c'est un jeu, alors pas forcément accident, mais qui va naître parce qu'il y a eu deux choses un petit peu en parallèle qui se sont passées. Déjà, il y a qu'en 2000, Ubisoft va faire l'acquisition d'un studio qui s'appelle Red Storm, un studio qui avait été fondé par un certain Tom Clancy, qui est déjà un... Vendeur d'assurance. Alors pas tout à fait, mais... Le début de sa carrière, mais en tout cas, à ce moment-là, il est déjà un écrivain à succès. Maxime me disait avant que c'était un des fondateurs du techno-thriller, n'est-ce pas? Oui, j'ai lu Wikipédia. Une vidéo, c'est ça, genre le travail de recherche. Une vidéo de 6 minutes 30 pas sur c'est ses les gens, sur YouTube. Ils vont arriver à BPI, ils vont nous voir juste avec une grosse page Wikipédia. C'est donc ça, fin du game. Mais oui, c'est comme ça qu'on travaille. Non, mais mini parenthèse, en vrai, Tom Clancy, on peut parler. Donc, auteur à succès, il y a eu des adaptations très connues, notamment à la poursuite d'Octobre Rouge. Qui était son premier roman, qui a été adapté donc une dizaine d'années après au cinéma. Et qui s'est vendu, je crois, genre plusieurs millions d'exemplaires au fil des années. En fait, en termes de Alors j'avais regardé pareil, Petite Rivière Rigolo, ça fait partie des auteurs, hein, tu vois, qui détient les records de vente sur les premières éditions de bouquins. Ouais. Donc avec une certaine J.K. Rowling et d'autres auteurs comme ça. Donc non, c'était en fait dès la fin des années 90, c'est déjà un auteur à succès énorme. Et en fait, il est très bien conseillé puisqu'il y a des gens de son entourage qui lui disent de se pencher un peu sur le cinéma, le jeu vidéo, les trucs comme ça. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à fonder le studio. Exactement. Restaurant. Il a été conseillé même par un capitaine de la Navy qui lui a dit ce serait pas mal de monter un truc de jeu vidéo. Et en fait, ce studio là, Red Storm, à la fin des années 90, ils vont faire le premier Rainbow Six, donc qui sera vraiment le premier jeu Tom Clancy's Rainbow Six. Et puis en fait, Ubisoft va faire l'acquisition de ce studio, donc forcément ils vont rapatrier la marque Tom Clancy chez eux, et ils vont l'intégrer notamment à Montréal. Et en parallèle de ça, il y a un autre studio qui est à New York, qui est Ubisoft New York, sur lequel, et ils sont en train de bosser sur un jeu de science-fiction, voilà, un shooter comme ça dans l'espace où il y a des cités volantes, ils bossent sur un truc, et ils ont notamment des petites idées de changement de vision avec une vision nocturne, une vision thermique, un héros qui pourrait s'accrocher comme ça au bord à des rebords, peut-être faire du cochon pendu, des trucs comme ça, peut-être même faire un grand écart, je ne sais pas. Et le problème, c'est que ce jeu-là, il ne convainc pas du tout les têtes pensantes d'Ubisoft, et Ubisoft New York, ça se passe pas très bien, le studio. Et il va être démantelé un peu après. Il y a une partie du studio qui va être emmenée vers ce qui deviendra Gameloft. Et là, c'est toute la stratégie du mobile, hein, puisque on l'a dit encore une fois, il y a eu un jeu Splinter Cell qui est sorti sur mobile. Donc à ce moment-là, c'est un autre frère Guillemot en fait qui s'occupe de Gameloft du coup, et qui, c'est ça, fin des années 90, début 2000, ils ont toute une grosse stratégie jeu mobile, jeu casu en fait. Hein. Très tôt, ils ont pris ce. Et encore, c'était pas mal de petits jeux 2D. Tu vois, t'avais des Prince of Persia, les Splinter Cell. Moi, je vois la gueule qu'ils ont. Exactement, et ils adaptaient, et bon, voilà, la manipulation était extrêmement agréable hein, sur le petit téléphone, parce que, voilà, on est vraiment pré-iPhone, etc., c'est ces jeux-là. Mais donc, une partie du studio qui va vers le mobile, et une autre partie qui va être rapatriée à Montréal, et dans leur valise, ils ramèneront donc ce prototype, ce jeu qui s'appelait The Drift. Et, en fait, à Montréal, ils vont tomber sur ce truc-là, ils savent qu'ils doivent faire des jeux pour Tom Clancy, qu'ils ont cet univers-là, et justement, ils vont s'amuser à bidouiller ce truc de vision nocturne, machin, ils vont y ajouter une petite surcouche Tom Clancy espionnage, et paf, ça fait des chocs à pic. Exactement, ils se disent putain, ça a l'air pas mal cette histoire là et là, les pontes d'Ubisoft, ils vont visiter Montréal, ils vont voir le proto. Tabernacle, ça a l'air incroyable. Bon, je sais pas faire, donc on va pas faire semblant, mais voilà, ils sont impressionnés, et surtout la mission est assez simple, on leur dit vous devez faire un Metal Gear Solid Killer, voilà ce que vous devez proposer. Votre avec mission, tuer Snake. Exactement, c'est ça, si vous l'acceptez, agent, tuer Snake. Alors pourquoi? Parce que on s'était dit que ça pourrait être intéressant de revenir un petit peu sur le genre infiltration à ce moment-là de l'histoire, hein, en 2000, où on en est. Pourquoi Metal Gear Solid? Pourquoi faire un Metal Gear Solid Killer? Parce que Metal Gear Solid, c'est la licence phare du genre infiltration à ce moment-là, même s'il y a eu qu'un jeu qui est sorti, hein, en 98, c'est Metal Gear Solid. Alors, il y a eu les Metal Gear avant, bon... Voilà, ouais, Metal Gear Solid. C'était quand même l'infiltration, mais 2D, et moins connu. Voilà, c'est ça. Alors que Metal Gear Solid va vraiment faire exploser le truc. Il y a Metal Gear Solid 2 qui sortira en 2001, mais au moment où débute le développement de Splinter Cell, il n'est pas encore là. On sait qu'il arrive. Ils savent que les gens attendent aussi. Qu'il y a la démo qui va pas tarder à arriver, là, avec Snake sur le tanker. Donc, bref, il y a tout ça qui arrive. Mais il n'y a pas que ça, en fait, dans le genre infiltration. On a pensé à Thief, notamment les jeux un peu héritiers des immersive sims, Deus Ex, tous ces trucs qui descendent un peu de System Shock, mais surtout Thief, avec voilà, il y avait des flèches d'eau pour éteindre des torches, de la mousse pour pas faire de bruit. C'était un jeu où on devait voler, dérober des choses. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Il y avait des jeux comme Tenchu, notamment sur PlayStation. C'est 98, c'est la même année que Thief, d'ailleurs, et eux, ils exploraient un peu le côté, tu joues un assassin, un ninja, et il y avait pas mal de verticalité pour l'époque, hein, évidemment, c'est relatif, mais tu pouvais sauter sur les toits des bâtiments pour surprendre les adversaires ou même pour fuir un petit peu. Donc ça fait partie de ces séries un peu comme ça d'assassinat slash infiltration qui ont bien marché. Pour d'autres styles un peu moins connus, il y avait Commando qui était en 2D où là on jouait une tactique, équipe, on était tactique, infiltration, etc. Et puis il y a Hitman aussi qui est sorti en 2000, et lui la proposition dès le départ, c'était un peu ce truc d'assassiner, mais surtout de se déguiser, de prendre les vêtements des personnages, des PNJ qu'on pouvait croiser En fait, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à l'époque il y a tout un tas d'enjeux technologiques autour de l'IA, autour de la gestion des personnages, de la gestion éventuellement même des de lumières, la 3D, hein, de la 3D, tu vois, de la caméra, des trucs comme ça. Et donc, il y a plein de jeux qui font ces styles-là parce qu'on est encore, tu vois, on est dans une phase d'exploration, tu vois, c'est un peu le côté pionnier, ils essayent de trouver des choses, ils essayent de se, ils se cherchent, il n'y a pas du tout un genre de l'infiltration avec ses codes, etc. C'est pas du tout le même jeu vidéo que 20 ans plus tard. Et puis si ton but c'est de faire un MGS killer, en fait, quand t'as joué à Metal Gear Solid et tu vas dire, dans les grandes lignes, en termes de gameplay, on va reprendre un petit peu ces codes-là avec une caméra un petit peu différente, mais c'est que MGS, c'est aussi beaucoup l'univers, l'écriture, les personnages, machin, qui vont être peut-être un peu clivants, tu vois, pour certaines personnes. Tu vois, Tom Clancy, je pense, il joue à MGS, il fait, mais c'est quoi cette merde, je comprends rien. C'est pas tout à fait, effectivement, on est sur une tonalité différente. Mais ouais, t'as un boulevard, et puis comme tu le dis, il y a encore plein de choses à faire, on va revenir de toute façon dessus en détail, c'est que Splinter Cell va aussi apporter de toute façon sa petite pierre à l'édifice du genre infiltration. Et donc, un des premiers trucs à faire pour faire un MGS killer, c'est de créer un personnage marquant, parce que bah, clairement, sur le côté chara-design, un type comme Snake, ça a l'air de rien, mais l'idée du bandana, tu vois, à une époque où il y avait 4 polygones pour définir un personnage, c'est ce qui permettait de l'identifier. Et donc, ils vont pas mal travailler sur le chara-design de ce personnage de Sam Fisher, qui est un agent de la NSA. Enfin, tu vois, c'est un ancien Marines. Il y a un côté déjà, le choix de faire voilà, un personnage qui est un peu expérimenté, tu vois, il a 47 ans, Sam Fisher. D'ailleurs, j'avais vu pendant des interviews qui racontaient qu'à la base, il avait fait vraiment très grisonnant, donc avait vraiment les cheveux quasiment blancs, et ils ont dû quand même redescendre un petit peu au niveau poivre et sel, parce que c'était peut-être un peu too much pour les playtesters de l'époque, voilà, enfin, pas non plus. Il faut qu'on sente qu'il ait quand même encore de la vigueur, cet homme-là, lui, mais c'est vrai qu'il y avait cette volonté de faire un personnage expérimenté. Ils avaient fait All Snake, tu sais, 10 ans avant MGS3. Ils avaient fait All Snake un petit peu avant, mais voilà, fallait quand même qu'il soit encore dans la force de l'âge, et surtout, bah, il y a ces fameuses 3 loupiottes, là, qui vont arriver, et qui, parce que finalement, quand tu regardes le chara-design, bah, il a un peu sa combinaison de plongée, hein, entre guillemets, c'est ça qui a inspiré, c'est les combinaisons un peu en néoprène là, de plongée, et après c'est vraiment ces 3 petites loupiottes qui vont ajouter cette touche finale à l'ensemble, et qui vont donner le côté iconique du personnage, sachant que voilà, la 3e loupiotte, elle sert pas à grand chose, c'est pour son troisième œil, voilà, mais 3 lumières vertes, hop, tu sais, tu sais qui c'est, ça plus le bruit là, l'espèce de bruit d'appareil photo, et la voix aussi, tu vois, je sais plus qui c'est en VO, j'ai oublié, mais c'est un acteur assez connu, et en VF c'est le doubleur de Schwarzenegger, donc c'est une voix aussi qu'on connaît, j'ai oublié son prénom, il s'appelle Beretta, mais son nom de famille, mais le prénom je l'ai plus, je suis désolé, mais en tout cas voilà, t'entends Sam Fisher te parler en français, tu vois, c'est, tout de suite t'es dans un délire, parce qu'en plus ben, on est début des années 2000, les années 80 et 90 sont marquées au cinéma par le genre d'action, le film de série B, et aussi tout un tas de films inspirés de Tom Clancy, hein, parce que vraiment l'univers Tom Clancy, je sais pas, on le détaillera un petit peu, mais ça a quand même beaucoup marqué, influencé la pop culture, et donc ben, il se retrouve avec un personnage qui est déjà un petit peu marquant, en plus c'est rigolo parce qu'avec ce côté vert il est déjà un petit peu associé à la Xbox, puisque du coup on l'avait pas dit, le jeu au départ est sorti. Ouais, si, on l'a dit, qu'il y avait une exclusivité à la base. En fait, il y avait un deal de publishing en fait avec Xbox à la base. Après, peut-être qu'on se dit que ils avaient investi beaucoup d'argent dans le jeu, et que quand ils ont constaté le parc installé de Xbox n'était peut-être pas suffisant, et très vite en fait ils se sont dit, bon, peut-être on va sortir ça sur PC et PS2. Ouais, ils ont dû aller discuter avec Microsoft et leur dire, bah voilà, ils ont une stratégie un peu plus globale. Mais à la base, c'était vraiment envisagé comme une licence qui était faite pour la Xbox, et c'est vrai que bah, le code couleur, on retrouve vraiment le code couleur de la Xbox, hein, puisque pour rappel, c'était cette grosse boîte noire avec le logo Xbox qui était du vert, qui est quasiment le même vert, hein, que celui de Xbox, quoi. Exactement. Ce qui est intéressant aussi dans l'histoire du développement, c'est que en faisant l'acquisition de Red Storm, ils vont récupérer aussi une équipe qui sait travailler sur Unreal. Voilà, à l'époque, c'est pas encore le truc qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas le truc aussi massif qu'on connaît, mais voilà, c'est un moteur qui va leur permettre de travailler différemment, et c'est notamment ce qui permettra de faire tout ce travail autour des lumières, et on aura l'occasion de revenir dessus, puisque c'est une des composantes phares du gameplay de ce Splinter Cell. Mais voilà, c'est ce moteur-là qui va leur permettre de travailler avec ces outils. Ils vont aussi pas mal travailler sur ce qu'ils appellent des soft elements. C'est vrai que quand on joue au jeu, on le remarque un petit peu qu'ils aiment bien faire des petits rideaux, des petites bâches, des trucs qui flottent comme ça un petit peu dans un petit peu dans la nature comme ça. Il n'y a pas seulement des briques et des blocs. Et ça aussi, c'est un truc sur lequel ils vont flex pas mal. On sent qu'ils sont amusés à faire ces choses-là. Et ça donne au jeu un petit peu de texture. Et encore une fois, à l'époque, faut s'en mettre dans le contexte. On vient juste de passer à la next gen, quoi. On est, il y a eu un an après la Play 2. Ouais, c'est ça, c'est, ouais, c'est deux, un deux, an, c'est deux, voilà, la, c'est la, un an après la GameCube et ouais. la Xbox, et ouais, ouais peut-être ouais. deux, voire peut-être trois, la PS2. Mais... Et c'est vrai qu'à l'époque, on en reparlait là juste avant de commencer l'épisode, c'est vrai que le gap, à ce moment-là, le ouais, gap ouais. graphique qu'on vit à ce moment-là, entre 98 et 2001, enfin vraiment, aujourd'hui, vous regardez un jeu qui a 3 ans, ça n'a pas bougé, on peut y jouer. Même un jeu qui a 10 ans, ça, c'est pas ouais, si dégueulasse. Ouais. Là, vous regardez un jeu qui était sorti il y a 3 ans, c'était waouh, le gap. Le premier Metal Gear. Exactement. Sur et la modélisation deux. Des ennemis ouais. et moi un des premiers jeux que j'ai testé sur Play 2 c'était Devil May Cry ouais. tu voyais Devil May Cry enfin vraiment quand ça sort ce truc là t'es là genre mais qu'est-ce qui s'est passé quoi. Ouais. Même MGS 1 et 2 en vrai, hein, c'est oui, 3 ans aussi la violence entre les deux. Et là c'est vrai que Splinter Cell quand il sort c'est déjà aussi un modèle en termes de graphisme surtout sur les versions Xbox et PC qui sont bah, celles qui, où il y a le plus de puissance mais voilà ils sont quand même fait plaisir et c'est un jeu qui est aussi une démo technique je sais pas si on pourrait le présenter comme ça mais en tout cas qui présente vraiment des vraies forces qui est quand même tu vois plutôt à l'avant-garde de ce qui se fait parce que la gestion des lumières dynamiques aujourd'hui tu vois c'est un truc bon on parle de HDR on parle de ray tracing de choses oui. comme ça à l'époque créer une source de lumière qui peut s'allumer et s'éteindre en temps réel dans un jeu vidéo il y a pas beaucoup de jeux qui sont capables de le faire et en plus en l'intégrant dans le gameplay ouais, et projeter des ondes ouais donc il y a quand même pas mal de petites choses et même la gestion des soft éléments enfin tu vois faire des rideaux des tissus c'est ce qui à l'époque ça faisait partie des trucs les plus redoutables à gérer en fait c'est un truc j'y pense juste aux rideaux mais un truc qu'on voyait beaucoup dans Prince of Persia le sable du temps en 2004 là les rideaux ah, ouais, ah, oui, machin, oui c'est vrai c'est, tu as tout à fait raison en plus de tu noter. Sais il y a un peu de transparence enfin du ouais, coup c'est il y a de la enfin voilà tous ces effets où d'un coup il y a une gestion de la lumière avec des textures et des surfaces qui ne la réfléchissent pas qui ne la gèrent pas de la même manière c'est un délire hein. Aujourd'hui on a le PBR on a des trucs comme ça mais pendant très longtemps c'était un défi technique clairement de faire ce genre de choses c'est un jeu qui se veut réaliste évidemment puisqu'on est dans l'univers Tom Clancy et aussi il y a cette envie de pas faire du MGS donc on n'est pas dans tous les trucs un peu zinzin de MGS mais par contre on peut pas nier qu'il y a quand même une grosse influence cinématographique dans le jeu voilà tout ce qui est à la fois dans les animations dans les visuels mais aussi dans les mises en scène il y a un moment une mission ça ressemble on est vraiment dans du Mission Impossible tu vois tu dois pirater un ordinateur qui est dans une grande salle tout de blanc toute blanche comme ça ça fait beaucoup penser à Mission Impossible et puis tous les petits mouvements voilà le grand écart faire des boucliers humains les animations les petits bruits d'alarme aussi c'est un jeu sur le sound design il est très voilà il est très généreux dans le sound design dans tout ce qui se passe des petits bruits quand t'allumes tes loupiottes quand tu changes d'arme etc tout ça c'est un travail qui va donner quand même beaucoup de la fantaisie de jouer voilà un agent secret qui est hyper entraîné et qui va réussir de toute façon c'est ça la force entre guillemets en tout cas c'était ça comment on pourrait dire l'identité de ce que fait Tom Clancy c'est de réussir à mélanger des éléments tu vois de fiction ou en tout cas d'action tu vois de vraiment il y a toute une comment je pourrais dire j'arrive pas à... bah un truc de narration en fait que ce soit spectaculaire oui voilà côté grand spectacle etc quoi. De rendre divertissant des choses qui sont assez chiantes c'est-à-dire des missions des géopolitiques d'espionnage des trucs de géopolitique qui rendent ça sexy en fait les intrigues sont relativement réalistes alors on va dire il y a un biais il y a une vision on en parlera un petit peu plus tard mais il y a une intrigue géopolitique ou des terroristes de pays qui existent vraiment ou des agents tu vois il y a la CIA on parle de NSA etc., tous ces programmes-là. Mais effectivement, la résolution, là, c'est ça, techno-thriller, t'as quand même des gadgets, des petits trucs, t'as un agent qui est surhumain, en vrai, et c'est ça. Mais le mix fonctionne très bien. Et de toute façon, tu parlais du cinéma et tout. Alors, ça sort après, mais juste pour situer un peu en termes d'ambiance de trucs, tu vois, c'est penser à Jason Bourne, penser à 24 heures chrono, ça sort à peu près la même année, c'est ce genre un petit peu de ref. Et dans les années 90, les films de les bouquins de Tom Clancy ont déjà été adaptés, parce qu'on avait parlé de La Poursuite d'Octobre Rouge, bon, c'est un film avec Sean Connery, c'est pas rien. War Games, c'est un film aussi, ça sort en 92 avec Harrison Ford. Pareil, ça faisait partie des choses qui avaient marqué un peu son époque. Il y avait La Somme de toutes les peurs, qui était un des... Non, c'était pas un des premiers films où il y avait Jack Ryan dedans, mais en tout cas, c'était voilà encore une fois un film. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que déjà à l'époque, la marque Tom Clancy, elle est déjà forte et au cinéma. Enfin voilà, on parle d'Harrison Ford, on parle de Sean Connery. Enfin, c'est quand même les films avec des grosses têtes d'affiche. On a une époque où les blockbusters, c'est pas tous des super héros. Et oui, c'était possible. Oui, ça existait à un moment le cinéma comme ça. Et c'était pas Disney alors. Et non, c'était. Il y avait encore des dessins animés à l'époque. On peut faire des choses comme ça. Donc voilà, c'est tout cet univers qui va. C'est vrai qu'aux États-Unis, Tom Clancy, il est déjà très connu, ça, il n'y a pas de problème. Dans le milieu anglophone, de toute façon, enfin, anglo-saxon, il est très connu, peut-être moins en France, mais en fait, Ubisoft va largement participer à répandre, à diffuser la notoriété. Voilà, exactement. Non, mais le côté bonne parole, de toute façon, vu que c'est de la bonne propagande américaine, c'est clairement ça, quoi. En France, je pense que notre génération, oui, Tom Clancy, on connaît plus, en tout cas, les jeux, les adaptations de jeux que les autres. Même si, poursuite d'Octobre Rouge, Somme de toutes les peurs, on peut en avoir entendu parler ou quoi. Là, aujourd'hui, ce qui reste de Tom Clancy, c'est plus les adaptations transmédia. Et d'ailleurs, tu vois, là, j'y pense maintenant, on n'a pas discuté, mais quand même, ça prouve qu'ils ont réussi leur coup avec cette marque-là, Tom Clancy, tu vois. Ubisoft en a vraiment fait un de ses. Ça fait partie du portefeuille vraiment d'Ubisoft et toutes les déclinaisons, parce qu'on parle de Splinter Cell, mais après, il y aura des gros trucs. Il y aura The Division, il y aura Ghost Recon, il y aura Rainbow Six. C'est toujours un des gros jeux d'Ubisoft. Qui était leur jeu d'avion. Ah oui, avec les avions. Endwar, qui était leur jeu de stratégie. Enfin, de toute façon, Tom Clancy, ils l'ont dérivé de toutes les manières possibles. Ils ont fait tous les genres comme possibles. Comme tu l'as dit, encore maintenant, enfin, Ghost Recon, il y a des épisodes qui sont sortis il n'y a pas si longtemps. The Division, c'est une licence Tom Clancy. Donc, ça reste encore aujourd'hui, tu vois, dans la Sainte Trinité avec Assassin's Creed, Far Cry et l'univers Tom Clancy. Oui, c'est vraiment une des marques, tu vois, qu'ils ont obtenu en achetant juste un studio comme ça, et aujourd'hui ça fait partie, c'est un peu un des piliers, tu vois. Tom Clancy, on sait tous, c'est les jeux Ubisoft, hein. Exactement. La sortie, le jeu, ça va être un gros succès, hein. On est à 93 sur Metacritic sur Xbox, ce sera un petit peu moins sur les autres plateformes, puisque elles vont être notées en comparaison, et forcément c'était des critères qui étaient importants à l'époque, et ça va être donc succès critique. Ça l'est toujours aujourd'hui. Oui, je disais ça comme ça, mais voilà. Et niveau vente, on a été aussi impressionné en voyant les chiffres, parce que c'est près de 6 millions d'exemplaires qui ont été vendus en 12 à 18 mois après la sortie, ce qui est énorme quand même, hein, un gros succès pour ce jeu et pour Ubisoft. Que Metal Gear Solid. Oui. Donc ça, leur objectif de faire un Metal Gear Solid Killer, oui. On sait qu'on va pas tuer une licence ou quoi que ce soit, mais ils sont arrivés avec un premier essai à concurrencer un des jeux les plus connus de la PlayStation 1. Et je pense aussi parce qu'il y avait une demande, en fait. Tu vois, on parlait de boulevard pour pouvoir s'imposer, mais faire justement un Metal Gear Solid un peu plus sérieux, c'était... En vrai, ils avaient la bonne vision, dire, ça, on peut en faire quelque chose et... C'est toute une période du jeu vidéo qui est dans une transformation très lente, mais c'est le début de l'ère moderne du jeu vidéo, en tout cas c'est les prémices. On est passé d'une génération où on jouait des petits animaux, des petits dragons, des petites mascottes, machin, et maintenant les mascottes, c'est Dante, tu vois, ça va être, comment il s'appelle, Sam Fisher, je sais pas pourquoi ça m'est sorti de la tête, et un peu plus tard, tu vois, il y aura les Ezio et tout ça, mais on commence à jouer des personnages adultes, on rejoue des humains ou des surhumains, mais on joue plus des animaux, et c'est le passage à l'adolescence, entre guillemets, parce que là, à ce moment-là, le public est en train de grandir et on est sur les 15-18, quoi. Et puis, en vrai, Splinter Cell, tu vois, Tom Clancy, machin, c'est un truc qui peut être validé par les adultes qui vont acheter le jeu à leurs enfants, tu vois. Moi, j'ai le souvenir, Splinter Cell, c'est mon père qui m'a parlé de ça. Je sais plus où il en a entendu parler, mais ça pouvait être son genre de lecture, tu vois. Tom Clancy, il y avait, c'est Sam Fisher, c'est un espion, machin et tout. Ouais, ça, ok, tu vois, je comprends, tu vois, mon père peut comprendre. Star Fox Adventure, il connaît pas, tu vois. C'est toute cette période de recherche de légitimité du jeu vidéo. Et là, tu te dis, c'est un auteur, un best-seller, ses livres ont été adaptés au cinéma, il y a quand même Sean Connery qui joue un des personnages, c'est pas rien. Donc, du coup, et tu te dis, effectivement, c'est des jeux qui arrivent à s'imposer très facilement auprès du grand public. En fait, c'est des jeux, tu sais, quand à cette époque-là, on veut essayer de dire, jeu vidéo, c'est aussi pour les adultes et tout. Voilà, c'est un jeu qui va parfaitement s'intégrer dans cette réflexion-là. Quoi. Bah oui, parce qu'ils disent des vrais noms de vrais pays. Et bah oui. Voilà. Des vraies les affaires. Les États-Unis, la NSA, les bombes nucléaires. Les Américains, Géorgie, ils font quoi? L'État de Géorgie? Non, c'est un pays aussi, oui. Ah oui, ça va alors. Très bien, alors avant justement de se plonger dans cette histoire passionnante américaine, je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir sur Patreon, le lien est dans la description, vous pouvez nous donner une petite piécette pour nous permettre faire cette émission avec le plus de sérénité possible, de pouvoir se projeter sur l'avenir. C'est grâce à vous, merci énormément à toutes les personnes qui nous soutiennent sur Patreon. Vous êtes encore nombreux et nombreuses à chaque fois, entre chaque épisode, à nous rejoindre. Il y en a qui partent évidemment parce que il faut parfois aussi penser à soi, c'est normal, mais si vous pouvez penser à Fin du Game, faites-le, on vous en remercie chaleureusement. Alors, maintenant, Sam Fisher, qui c'est cet homme? Si je savais imiter la voix de Schwarzenegger, mais ça serait tellement incroyable, mais je sais pas faire. Tu sais juste faire le Lambert. Lambert. Non. Ça ferait, il aura déjà lancé 4 autres podcasts sans nous. Oui. T'imagines si j'avais la voix de machin Beretta, là. Schwarzenegger vous raconte Dark Souls. Alors, c'est crossover incroyable. Vous prenez la clé mort. Tu sais, avec un montage à la commando, là, où il met toutes ses armes et tout. Ah, oui. Incroyable. Bref, nous, on incarne donc Sam Fisher, qui est pas un petit jeune ou quoi que ce soit. C'est un ancien Navy SEALs, donc c'est un soldat qui est largement vétéran. Il a dû probablement faire plusieurs campagnes. Et il est recruté dans une nouvelle branche de la NSA, donc l'agence de sécurité américaine, qui s'appelle Echelon 3. Et c'est littéralement une unité de ce qu'on appelle les Black Ops, c'est-à-dire les opérations secrètes américaines. Voilà. Sur les dossiers où c'est tout marqué en noir. Vous savez, il y a les lois, là, les trucs internationaux. On s'en bat les reins, on fait comme nous on a envie de faire, exactement. Et on va sur place dans les pays en étant dans l'illégalité la plus totale, et s'il faut on va tuer des gens, récupérer des informations, c'est de l'espionnage actif. Voilà, mais pour le bien de l'humanité, et de la paix et de mondiale, la paix mondiale, tout simplement, voilà, exactement. Enfin, c'est quand même, right hand to God, et let's go. Voilà, donc là, comme le dit Hugo en rigolant, on est déjà dans ce délire, effectivement, de les États-Unis sont, c'est un peu les chefs, tout simplement, c'est eux qui dominent le monde, c'est la première puissance mondiale, c'est eux les garant de la paix dans le monde et également du bien. Parce qu'en fait, il y a le bloc des gentils versus le bloc des méchants. Non, mais Tom Clancy, blague à part, on est vraiment dans cette période de la guerre froide. Ouais. Le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Les ennemis dans les jeux Tom Clancy sont souvent soit des Russes, soit des gens qui vivent dans des pays autour de la Russie, mm-hmm. ou des Chinois. Parce que c'est un peu la même chose. Ça reste des communistes, donc forcément, c'est des gens dangereux. Bref, tout ça pour dire qu'il est envoyé justement en Géorgie après la disparition de deux agents de la CIA, en fait, qu'on avait été envoyés sur place à la suite d'un coup d'État. Et donc, il va retrouver ces cadavres de deux agents là, dans une morgue, et en regardant un peu les vidéos, il va se rendre compte qu'il y a un agent russe qui s'appelle Nikoladze, qui était là, qui a prélevé sur leur corps des implants de communication, parce qu'évidemment, ils ont des petits implants pour discuter. Mmh. Hein, mmh. Toi, tu avais un téléphone Nokia, eux, ils avaient déjà des trucs dans l'oreille. Et bref, de fil en aiguille, l'opération sur place va déclencher en fait un vrai problème diplomatique international. Oui. L'OTAN va envoyer des forces armées en Azerbaïdjan, donc on est toujours à la frontière, mm-hmm. tu vois, entre la Russie et le reste du monde. Et donc pendant ce temps-là, lui, Sam, il est envoyé là-bas sur place, il va devoir esquiver d'ailleurs des petits missiles d'avion comme ça, discretos, oui. pour récupérer des informations, et il entend parler d'un projet secret qui s'appellerait l'Arche, un truc, ce que c'est. Je me demande ce qu'il y a dedans. On ne sait pas pour l'instant. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un agent double de la CIA aurait fait leaker des informations sur le prochain jeu Ubisoft, l'Arche. Okay. Et donc il va se rendre carrément au siège de la CIA, aux États-Unis, pour espionner et récupérer des infos. S'auto-espionner les États-Unis. Ils ne peuvent pas juste envoyer un mail. Genre, bon, il se passe quoi, les gars ? Qui c'est qui a fait le leak ? Il ne peut pas juste demander. Qui c'est qui a leaké les trucs, là ? Donnez-nous les infos, tu vois. Non, il va se cacher entre les néons dans les couloirs, pour savoir. Il va découvrir qu'un agent, en fait, avait juste mal utilisé son ordinateur et il avait malencontreusement fait pirater son truc. Et parce que ça restait des vrais patriotes, oui. et voilà, c'est juste une erreur humaine. Il a pas fait exprès de leaker. Voilà. Tu sens qu'il y a quand même eu un petit interrogatoire musclé, parce que le livres à un mec et qui parle un petit peu de leur drogue préférée, machin. Il parle pas de torture, tu vois, c'est pas officiel, mais bon. C'est du enhanced interrogation, comme on dit. Actif de l'interrogatoire, actif. Oui, l'espionnage, exactement. Bref, cet agent-là, en fait, il a été hacké, entre guillemets, par une agence qui se trouve aux États-Unis, mais qui a des liens avec la Russie. Ils essayent de faire disparaître leurs preuves et ils souhaitent justement faire détruire le bâtiment carrément. Mais Sam réussit à extraire des infos avant que le bâtiment n'explose. Et il voit, en fait, ça lui permet d'en savoir un peu plus. Il y a une relation un petit peu shady entre la Géorgie avec la Chine. Très rapidement, ça escalade assez rapidement en disant « ça pourrait être la Troisième Guerre mondiale ». Ça pourrait. Et justement, l'Arche, qu'est-ce que c'est l'Arche ? Qu'est-ce qu'il y a fait dans l'Arche ? Une bombe nucléaire. Ah, mince. Ça y est, on a coché toutes les cases du Tom Clancy, le bloc communiste, la menace totale. La bombe nucléaire, parce que c'est vraiment ça. Je connais pas très un Tom Clancy, j'imagine que c'était soit ça, soit, tu sais, une bombe... biologique, bactériologique. Voilà, biologique, il y avait des bombes sales, donc il y avait des trucs comme ça. Donc on est à minuit -5 sur l'échelle de l'apocalypse. De toute façon, enfin, tu vois, c'est un type qui a fait La Somme de toutes les peurs, qui est un film qui raconte qu'il y a une bombe qui explose en plein milieu d'un match de football américain, quoi. Donc on en est là. Et l'Arche, justement, n'est pas située dans un endroit où on s'en fout. Elle est située aux États-Unis, sur le sol américain, de Washington DC, la capitale, dans la flamme de la Statue de la Liberté. Pas loin. Et justement, Sam va devoir récupérer les clés qui permettent de désactiver cette bombe nucléaire. Elle se trouve en Géorgie. Il va infiltrer tout ça. Il se fait emprisonner, mais il évite de justesse l'exécution sommaire de ces barbares non-américains grâce à Lambert qui vient le sauver. Je sais pas pourquoi j'en suis là. Et bref, en gros, il continue d'essayer de poursuivre Nicolas Jay. Il va finir par le tuer. Oui, parce qu'on va l'assassiner. Puis on va l'assassiner. Il lui dit, Sam, vas-y, c'est genre, vas-y, go, tu peux y aller. Tu peux y aller, il ne reste plus que ça à faire. Et et la fin en fait du jeu se termine. Sam a sauvé le monde évidemment, mais personne ne le sait à part les gens d'Echelon 3. Et à la télé américaine, ils expliquent qu'ils ont dû évacuer un bâtiment à cause d'une fuite de gaz. C'était le bâtiment où il y avait la bombe nucléaire. Et lui, il rigole en disant moi, je connais la vérité. Et il parle à sa fille parce qu'évidemment, c'est déjà un papa. Bref, tout ça pour dire que on a le droit aussi à un petit discours du président des États-Unis qui nous dit que voilà, les États-Unis n'ont peur de rien. Les États-Unis seront capables de tout faire. Ils peuvent tout faire. Vous avez un problème ? Non. Un problème de frigo ? Ils sont là. Les États-Unis peuvent tout faire. C'est possible. Mais voilà. Donc, c'est l'histoire de ce Splinter Cell. C'est encore une fois un conflit. Tu vois, on a évité la Troisième Guerre mondiale de justesse grâce à Sam Fisher. Et vraiment, la fin de la cinématique de l'épilogue du jeu, c'est Sam qui répond au téléphone. Il y a Lambert au bout du fil. OK, on repart. Et tu vois, il y a une nouvelle mission. Parce que les ennemis des États-Unis ne dorment jamais. Exactement. C'est le décalage horaire. Bah ouais, c'est grand la Russie. Hein, c'est grand la Russie, effectivement. Donc, ce qu'on en est ressorti de cet épisode, on s'est dit justement que, en tout cas, moi, c'est vraiment l'image que je me fais du Tom Clancy. Voilà, c'est vraiment le Tom Clancy pur jus. Donc, avec déjà cette lecture de l'Amérique, Max, tu nous avais donné. C'est quoi l'expression consacrée, Maxime? Techno-thriller. Alors, non, c'était. J'écoutais qu'à moitié le propre. Putain, c'est vraiment l'épisode d'été. Oh, j'écoutais qu'à moitié. Moi, en vrai, j'étais là sur le dans un hamac, tu vois, on est chacun dans notre petit hamac à siroter une margarita. C'est vraiment pas sérieux cet épisode. Non, mais gendarme du monde. Mais voilà. Ça, c'est un truc. Bah, à l'école, je crois, on apprend sur un terme officiel, entre guillemets, une expression, pour désigner les États-Unis, ce côté. Cette idée qu'après la Seconde Guerre mondiale, bon, effectivement, les États-Unis vont se poser comme les fondateurs d'institutions, je sais pas, l'OTAN, l'ONU, etc. Et vont aussi injecter beaucoup d'argent dans la guerre contre le front communiste et dans des pays comme la France. Et puis, ils vont arriver post-guerre. Le plan Marshall. Il y a des bases américaines de partout. Exactement. Et voilà, on est en place et on tient les rênes du monde, et puis, littéralement. De toute manière, vu que la guerre froide commence assez tôt, après, parce que bon, il y a la guerre de Corée, etc., mais la guerre froide, vraiment, entre le bloc communiste et le bloc américain se déclenche assez tôt. Et oui, effectivement, en fait, dans tous les pays alliés des États-Unis ou des pays pas trop alliés, ils vont installer des bases ennemies. Ils sont capables de lancer une attaque nucléaire ou des avions à Pétaouchnok, tu vois, si ça parce leur que prend. Cadeau. Parce que c'est comme ça. Voilà. Hein. Oui, qu'il y a des intérêts, un peu de pétrole, un truc comme ça. Oui, c'est vrai que le pétrole, c'est pas mal. Ils aiment bien. Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc qui va vraiment. On est vraiment sur l'interventionnisme américain et qui est légitimé parce que il y a besoin de faire ça parce que sinon c'est un conflit mondial quoi, et que c'est eux qui doivent gérer parce et c'est que... ça en fait le biais de Tom Clancy, c'est qu'on n'est pas dans une lecture critique de l'impérialisme américain, c'est au contraire, c'est normal, c'est les Américains, ils sont là pour sauver le monde et de toute façon Bruce Willis il sauve le monde hein, et puis surtout ils ont la techno, les compétences et pour le faire, c'est à dire que voilà, il y a une, non seulement la sagesse avant tout, mais surtout voilà toute cette supériorité en fait technologique et dans les compétences qui font que ce sont finalement les meilleurs candidats pour assurer tout ça. Et en face, vraiment, on le dit dans les ennemis, dans le jeu, c'est des Russes, c'est des Géorgiens, c'est des Chinois. C'est un petit peu ce gloubi-boulga comme ça, vu des États-Unis. C'est des communistes. Voilà. Ouais, voilà, c'est des mecs de gauche, tu sais. Il n'y a pas encore le Moyen-Orient, ça sera oui, plus tard. Oui, c'est vrai que 2001, le 11 septembre, on est c'est un an après. Le jeu sort après, donc post 11 septembre. Mais c'est vrai que là, on n'est pas encore dans le Moyen-Orient. Alors évidemment, il y aura des épisodes. Il ira y faire un tour à un moment, Sam Fisher. Dans la trilogie. Non, pas forcément. Pas dans la première trilogie, mais après. Après, honnêtement, j'en ai aucune idée. Je crois qu'il se fait quand même capturer par des. Il y a peut-être un petit délire quand même en Afghanistan à un moment quand même. Peut-être, c'est possible. Mais après, l'Afghanistan, en fait, souvent dans les Tom Clancy, l'Afghanistan est vu comme étant un pays frontalier de la Russie. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Comme les bouquins sont écrits dans les années 80, il n'y a pas tu vois, cette peur du terrorisme islamiste, etc. Et donc, c'est pas des gens qui sont considérés comme des ennemis et ils n'ont pas en plus la puissance, tu vois. Il y a vraiment cette idée qu'en face, c'est des ennemis qui ont vraiment aussi accès à la bombe nucléaire et tout ça, quoi. Parce que c'est ça, hein, vraiment, le ressort, le twist, qu'est-ce qui peut donner un petit peu du sel à tous ces trucs-là, c'est qu'à tout moment, la peur d'une bombe atomique qui explose sur le sol américain, parce que, ils ont fait péter ça chez les Japonais, donc ils savent bien que c'est la merde, que c'est dangereux, et donc ils ont peur de ça. Il y a vraiment cette peur nucléaire, et on retrouve un petit peu, hein, tu sais, le... c'est un fond, on va dire, de Blue Beluga, comme tu disais, de l'histoire de Fallout 2 aussi. Mmh. Tu vois, toute cette idée de la peur du nucléaire, etc. quoi. Bref. Et un autre truc aussi qui est assez intéressant, et là c'est vraiment ancré dans l'époque, c'est l'emphase sur l'omniprésence des chaînes d'infos ouais. et sur ce qui se passe dans le monde. Si vous avez grandi dans les années 80-90, vous avez peut-être connu vous aussi la guerre d'Irak, qui était le rendez-vous, tu sais, il y avait le il y avait TF1, sa cartoon, et éventuellement la guerre en Irak juste après. Et c'est vrai que bon bah les années 90 sont connues pour avoir transformé la vision et surtout la représentation de la guerre en faisant un spectacle télévisuel dispo. CNN, tu vois, c'était vraiment la chaîne d'infos. Bah, il y a ce truc de chaîne d'infos en continu que ouais. nous, on va connaître un peu plus tard en France avec BFM parce que ça, arrivait, ça va arriver en 2005 en France. Mais par contre, aux États-Unis, ça fait un moment que c'est là. Il y a ces chaînes en continu comme ça où on nous bombarde d'infos. Et vraiment, le jeu... intègre vraiment ça dans sa narration parce qu'il y a vraiment ce parallèle qui est fait justement entre les événements qu'on va vivre dans le jeu et il y a deux trois petites cinématiques qu'on voit comme ça mais elles sont assez rares mais sont par bizarrement contre... cutées d'ailleurs c'est pas toujours très bien fait mais surtout vraiment la présence des médias voilà le présentateur flash news il se passe ça en Azerbaïdjan exactement voilà des trucs qui passent la météo tout ça et c'est vrai que ils ont vraiment intégré ce truc là et je trouve que ça marche plutôt bien en fait de faire justement ce parallèle entre le discours qui est donné dans les médias et la réalité, même si encore une fois c'est pas très critique critique, il y a aucune remise en cause du statu quo et de la situation mondiale, c'est-à-dire qu'en fait c'est même ça qui est dingue, c'est que la fin tu sais où il rigole un petit peu du présentateur, c'est pas il se moque en disant oh là là les médias nous mentent, c'est juste on contrôle les médias, on sait il y a les black ops, le public ne peut pas tu vois gérer la vérité etc. ou pas forcément qu'il contrôle mais en tout cas que lui il sait, tu vois, c'est un sachant, il est un peu haha, moi je connais la vérité, donc il est intelligent, mais de toute façon comme tu as dit, il n'y a pas de remise en question, c'est un bon mensonge pour le bien commun. C'est une complicité qu'il y a avec le spectateur ou le joueur, la joueuse quand on joue, mais on n'est pas dans la critique, vraiment, c'est pas vraiment MGS2. C'est toujours cette image de on reste dans l'ombre, voilà, on a fait le bien, mais voilà, personne ne saura, c'est notre fardeau. Mais du coup, ce qui fait que tu vois, même en y jouant aujourd'hui, parce que bah, moi je l'avais dit, mon père y avait joué un peu à l'époque, moi je l'ai fait là pour l'occasion, je trouvais que cette mise en parallèle, tu vois, média, bah ça marche toujours vachement parce que concrètement, on nous parle. Enfin, tu vois, il y a eu la guerre en Ukraine qui est toujours en cours. D'ailleurs, je dis il y a eu, mais qui est toujours là. Oui, puis post 2001, on a eu le retour de la guerre en Irak, tu vois, épisode 2, la même chose en Afghanistan. Enfin, tout ce qu'on a eu et vraiment ce traitement-là, il est toujours comme ça. Oui. Donc voir le jeu qui nous le présente comme ça, c'était assez bien vu de leur part de le présenter comme ça. Et eux, ils avaient de toute façon cette ambition de en mode, bah on fait un jeu qui est très proche du présent, genre ça peut arriver demain, tu vois. C'est ça un peu de toute façon les trucs Tom Clancy, c'est toujours ce futur proche, vois, du truc qui peut se déclencher dès demain parce que les pièces sont déjà quasiment en place, quoi. Non, et puis j'y repense juste, alors c'était une take un peu différente, mais t'avais le premier Beyond Good and Evil, enfin le premier, oui, forcément, qui sort en 2005, et il y avait aussi ce truc de la couteau dans la plaie, mais l'unique Beyond Good and Evil, ça marche, mais bref, lui qui sort en 2005, et il y a aussi beaucoup de trucs télévisés. Machin. Par contre, eux, là où la tech est un peu différente, il y a vraiment ce côté propagande. Voilà, on dénonce un peu les médias, les biais. Je crois qu'une des inspirations, c'était genre 1984, plus ça. Là, c'est beaucoup plus critique, effectivement. Mais tu sens qu'en tout cas, dans ces créations-là, c'est vrai que l'omniprésence du journal télévisé pour te dire un peu ce qui se passe, c'est dans la tête des créatifs. L'ère de l'information, tout ça. De toute façon, à l'époque, les gens, ils regardent la télé. Internet, on est un peu au balbutiement. 2001, c'est relativement tôt, quand même. Et ce qu'on peut peut-être terminer pour dire, c'est vrai, nous, en le regardant ce truc, voilà, on voit un petit peu ça comme du truc un peu américain de bas étage, ça nous fait pas forcément rêver, mais à l'époque, les critiques sont vraiment très très positives. Ce truc un petit peu adulte, cette tonalité plus sérieuse justement que Metal Gear Solid, ça parle vraiment à la critique et aux joueurs et aux testeurs du moment, et ce sera vraiment une réussite, et c'est pour ça aussi que la série arrivera à s'imposer par la suite. Bref, voilà, une tonalité que nous on prend un petit peu, voilà, on n'a pas été très sérieux, mais parce qu'on a du mal à prendre tout ça au sérieux, parce que justement il n'y a aucune remise en cause, il n'y a aucune critique en fait de ce système-là. Ouais, il n'y a pas du tout de recul, donc c'est tellement noir ou blanc, c'est tellement manichéen, et surtout post 2001, enfin tu vois, c'est quand ça sort, bon, même si nous, moi j'étais ado quand ça s'est passé le 11 septembre, etc. Mais tu commences à remettre en question, tu commences à réfléchir à ce qui se passe. Et cette idée que les États-Unis sauvent tout le monde, enfin tu vois, moi j'ai déjà vu, t'as vu Independence Day où c'est carrément le président des États-Unis qui tue les aliens avec son avion. Enfin tu sais, je veux dire, on a vécu des années de soft power américain dans notre culture, dans la bouffe, dans la musique, dans le cinéma, on en bouffe tout le temps. Et là, bon, en fait ça choque pas, tu vois, ça détonne pas. Effectivement, Splinter Cell, il cherche pas à critiquer ni quoi que ce soit. Et bah, ça me choque pas que ça fonctionne en fait. Après, voilà, si tu t'en fous un peu, que t'es en mode bon, c'est une fiction ou ça me parle pas, ça va, c'est pas omniprésent. C'est-à-dire, enfin, si, c'est quand même vraiment là, mais il y a pas énormément de dialogue, de cinématique. Splinter Cell, ça reste un jeu d'infiltration. Oui, oui, c'est pas cette narration à la MGS. C'est pas un jeu long, qu'on peut dire où c'est bavard. Voilà, c'est, on te parle, t'as les petits briefs de mission comme ça pendant les temps de chargement, ou si tu veux, tu peux lire un peu. Mais si tu veux globalement t'en foutre et que tu dis je dois espionner. Moi, je veux faire le cochon pendu. Voilà, exactement. En fait, c'est vrai que tu peux tout à fait la jouer comme ça. Il y a beaucoup de passages où c'est juste une image sur un écran d'ordinateur et il y a un pavé de texte. Ouais, tu peux très bien skip instantanément et ne pas lire. Hein. Tout à fait. Moi, je fais jamais ça, mais mais voilà, on peut jouer comme ça. On y croit. Très bien, on va passer un petit peu sur la partie gameplay. On a un peu parlé de Metal Gear Solid, encore une fois, avec cette idée de faire un anti-MGS. On le rappelle, un MGS, c'est des boss un peu nawak, etc. Dans le 2, c'est encore pire. Hein. C'est beaucoup de zinzinerie et finalement assez peu d'infiltration. Ça reste assez léger. Là, vraiment, Splinter Cell, ils partent dans une direction qui est beaucoup plus sérieuse. Il y a l'Unreal Engine, il y a un moyen de travailler sur ce truc de la lumière. Et eux, ils vont partir sur quelque chose qui est... Je vais pas dire que c'est de la simulation, mais il y a une envie, en fait, de nous emmener sur, voilà, un jeu d'infiltration assez rigoureux où va falloir se prendre la tête. Tu sais, ce désir de réalisme du jeu vidéo qui est toujours présent complètement aujourd'hui, c'est cette époque-là où ça commence à arriver, justement, parce qu'on a les moyens avec la Play 2, la Xbox, etc., de faire des jeux qui commencent à ressembler à quelque chose de beaucoup plus potable en termes de 3D. Et il y a déjà cette envie, voilà, de proposer des trucs réalistes, que ça soit dans l'équipement, tu vois, le type d'arme qu'on va utiliser, c'est pas des gadgets foufous où tu poses un truc sur un mur et tu vois à 10 km. Oui, c'est pas, il n'y a pas des missiles dans les phares de la Aston Martin. Voilà, c'est pas James Bond, clairement pas. Donc il y a quand même cette idée de proposer une idée, tu vois, crédible. En fait. Exactement. Plus que réaliste, au moins crédible. Tout à fait. Et donc là, le système qui va être au cœur du jeu, c'est ce truc autour de la lumière. Tous les niveaux sont quasiment faits de nuit et ceux qui ne le sont pas, on est fait en intérieur. Donc on est dans des bureaux, dans des open space, des bibliothèques, il y a une ambassade, il y a des trucs comme ça. À un moment, on est même un peu dans des égouts, parce que sinon c'est pas drôle si on n'est pas dans des égouts. Il y a une plateforme pétrolière aussi, mais bref, c'est toujours des niveaux qui sont faits de nuit où la composante ombre et lumière va être importante. Et bien sûr, pour s'infiltrer, il va falloir ne pas être dans la lumière et plutôt être dans l'ombre. Et dès le tuto, on nous initie comme ça à cette fameuse jauge qui est à droite de l'écran, où on voit qu'il y a un petit curseur qui se place, et plus on est dans le noir, et ben moins on est visible. On est même assez littéralement invisible. Ce que Lambert dit, c'est tout dans le tout, vraiment le plus sombre, t'es un fantôme, et à l'autre extrémité, t'es un sapin de Noël. Voilà c'est vrai que je me souviens de cette expression. C'est bien, c'est les termes officiels de la NSA. C'est marqué dans les process. SN, sapin de Noël. Tu vois. Ouais, okay. Et c'est vrai que on est véritablement invisible. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à jouer, je me suis dit, ouais, ok, il est dans le noir, mais il est pas totalement invisible. Si. Tu es vraiment invisible, c'est comme ça qu'il faut jouer. Et on a été marqué vraiment par le même passage, parce que toi, du coup, t'as rejoué un petit peu au jeu. Vous deux, vous l'aviez fait à l'époque, mais vous avez un peu rejoué au jeu. Moi, je l'ai fait là pour l'occasion. Et le passage dans les bureaux de la CIA, où on est dans un couloir où il y a vraiment des néons. Enfin, c'est un bureau, hein. C'est des cônes de lumière. Oui, c'est des cônes de lumière. Mais si t'es entre deux néons, il y a un mec qui peut passer à côté de toi, il est dans le couloir, il n'y a personne d'autre, hein. Il ne te voit pas. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris Splinter Cell, j'ai fait... Ah d'accord, on est dans ce délire là. Il y a vraiment des bouts de ténèbres dans les bureaux de la CIA, tu sais, à l'entretien d'embauche. Vous avez peur du noir? Oui, bon, ça va pas marcher parce que là, le couloir, vous voyez là, à 4 mètres pour aller dans votre bureau. Attention, il y a des moments où vous allez flipper un petit peu parce qu'il fait vraiment méga sombre. Donc tu peux te mettre accroupi comme ça avec tes trois petites loupiottes. T'es vraiment entre deux néons. Le gars, il passe, il te voit, mais tu peux piquer un petit roupillon, personne te voit, tranquille. Si t'es pas sur le chemin, le mec te voit pas. Non, c'est sûr. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut jouer. Malgré tout, c'est un peu caricatural quand on est au niveau le plus haut. Après, par contre, quand on est un peu au milieu de la jauge, c'est un peu... C'est flottant. Ouais, c'est un peu flottant. J'avoue qu'en ayant fait tout le jeu, j'ai pas... j'ai pas vraiment capté. Il y a des moments où je me dis ah là on me voit plus ici, on me voit plus. J'étais pas toujours sûr. Je dirais que parce que donc c'est divisé en quatre, t'as vraiment quatre paliers, et je dirais que en fait donc dans le premier c'est bon, personne te voit. Le deuxième, je pense, c'est genre ils voient qu'il y a un truc et ils vont commencer à aller dans ta direction, tu vois. Et puis t'entends, t'as une, c'est pas le ni de MGS, mais t'as un pom de piano, tu vois, c'est beaucoup plus sérieux, oulala, réaliste. Mais je dirais que c'est ça. Et peut-être qu'à partir du 3, peut-être que là, ils dégainent le 3 et 4, peut-être qu'ils dégainent leur arme. Je pense que c'est un truc un peu comme ça, mais oui, on te le dit pas. Puis il y a une question de distance aussi, de par rapport où ils sont positionnés par rapport à toi, qui doit rentrer dans les paramètres. Mais ça encore, tu vois, je me suis pas dit, je connais tous les jeux modernes, donc t'as pas cette espèce, de jauge d'attention où tu vois où ils en sont de, là, je vais commencer à m'inquiéter. Oui, tout à fait, il y a pas. Là, je m'inquiète pas, mais bientôt. Repère en général, boum, c'est soit ils te repèrent, soit ils te repèrent pas, mais il y a pas côté de un peu oui ou non. Quoi. Et après, voilà, ils vont passer un peu en mode alerte, etc. Mais c'est vrai que pour après, quand tu joues à des jeux d'infiltration moderne, t'as tellement plus de feedback en fait qui te permet d'avoir beaucoup plus de contrôle sur la situation et de savoir parfaitement où tu en es. Tu vois, tu parlais de ces petites choses qui se remplissent là avant, qui font il y a quelqu'un ici, tu vois. Non, là, on n'a pas tous ces infos là et c'est un peu plus flottant, c'est un peu plus difficile à apprivoiser. Ok, ça donne un côté un peu plus réaliste, parce que bah, c'est pas logique d'avoir des feedbacks de jauge d'attention de personne, mais c'est vrai que c'est pas si facile à appréhender. Mais voilà, une fois que t'as compris que dans le noir, on me voit pas, il faut jouer avec ça. Quoi. Et t'as un truc, tu vois, on parlait de la lumière dynamique, donc déjà t'as un côté un peu puzzle, trouver les zones d'ombre ou les créer, tu vois, en tirant sur toutes les lampes, tu te ramènes dans la série, tu pou, pou, pou, tes balles elles vont surtout servir à péter les lumières, mais t'as aussi lumière dynamique, j'ai des écrans de télé, d'ordinateur, enfin tu vois que la jauge est évolue, t'es en train de taper sur l'ordi, bah t'as l'écran d'ordi qui t'éclaire, bon ça monte un petit peu, donc t'as quand même ça à prendre en compte. Et puis après ils vont aussi créer des situations où tu peux pas tirer sur les lumières. Je me souviens, t'as des salles où voilà, ils ont des grosses colonnes de lumière, c'est du vitrage blindé pour les lumières parce qu'il fallait faire attention au cas où. Grillager, exactement, voilà, c'est non, protégé. Mais c'est Roger, il disait à force d'aller chercher le café dans les ténèbres, et en fait il était maladroit, de temps en temps il cassait des lumières. Et là ils ont tout réparé. Donc effectivement il y a des sources de lumière que tu peux, il y a des interrupteurs aussi, hein, tout ça vaut toujours le coup de rentrer dans une salle et faire on éteint tout. Nuit, jacouille RPG. mais voilà, y a tout ce système-là, et ce qui est cool, c'est que c'est dynamique, donc il y a aussi les ombres des gardes qu'on va pouvoir observer. On peut détecter en fait des gardes en voyant leur ombre se déplacer. Et ça, en fait, tu sens qu'ils flexent un petit peu, c'est-à-dire qu'ils essaient de mettre pas mal de petites situations où justement on va être confronté à voir des ombres loin, voir la lumière avec laquelle on va pouvoir jouer. On sent qu'ils ont capté ce qui pouvait vraiment faire la force et la signature du jeu, et ils vont vraiment itérer dessus tout au long. Il y a vraiment un moment, c'est un détail, hein, mais je passe à côté d'un couloir, il n'y a pas de garde ou quoi, et tu vois qu'il y a une lumière projetée contre le mur, et tu vois des ombres de papillons qui volent et qui sont vraiment dynamiques. Tu vois les vrais papillons, la lumière, et tu dis ça, c'est un flex. C'est vraiment pour faire le petit waouh, ça marche. On peut faire l'année ça. C'est le screenshot dans le PC Gamer. Oui, exactement. Bah oui, de ouf. C'est sûr. C'était vraiment ce genre de truc. Et encore une fois, pour rappeler que le jeu était impressionnant. Et puis il y a aussi une composante bruit sonore, mais là elle est un peu moins formalisée, on va dire. Il y a pas de jauge qui te permet de calculer le bruit. Ça arrivera par la suite dans les autres épisodes de Pandora, tu vois. Mais j'aurais dit le 3, mais bon. Mais bref, c'est peut-être Chaos Theory. Hein. Encore une fois, je confonds les 3. Oui, parce que tu avais un peu fait les 3 au même moment à l'époque. Bah, ils sont sortis chacun à un an. J'avais une collection, voilà. Et moi, j'ai surtout été marqué par Chaos Theory. Je reviendrai peut-être dessus en fin d'épisode. Mais c'est vrai que j'ai plus de souvenirs de celui-ci que du 1. Tu vois, quand j'ai relancé le 1, je me souvenais pas qu'il y avait autant de trucs qui n'étaient pas encore arrivés. Ça manque parce que j'ai fait les 3 à l'époque aussi. C'est vrai que là, en rejoignant 1, je fais putain, il n'y a pas d'indicateur de son. Ça manque. Alors que dès le tuto, on est initié à ce truc-là de marcher sur du verre. Attention, il faut marcher vraiment tout doucement. Parce qu'il y avait encore ce truc aussi, c'est important de le rappeler, qu'on commence à avoir vraiment des sticks analogiques. Hein. Yes. Là, on rappelle que la PlayStation 1, quand elle sort, la manette n'a pas encore les sticks analogiques. Ce sera un peu plus tard. Et là, il y a différents degrés pour faire avancer Sam. Ça fait partie en plus des innovations du jeu vidéo de l'époque. C'est-à-dire qu'on te dit, regardez, il y a des vitesses d'animation différentes en fonction de comment vous poussez votre pouce. Ça peut vous faire rire aujourd'hui. À l'époque, c'était nouveau, donc c'était un argument comme le ray tracing ou des choses comme ça. Et là, en fonction de là où tu marches, si tu marches sur du bois, si tu marches sur du vrai, si tu marches du papier journal, il va y avoir des bruits différents. Et c'est vraiment à prendre en compte, parce que autant les gars, ils te voient vraiment pas dans le noir, mais par contre, ils ont une ouïe qui est vraiment pas dégueulasse. Ils voient à 3 mètres, éventuellement, c'est moi sans mes lunettes. Mais ils entendent assez bien, et ça part là-dessus. Mais encore une fois, le système de son, c'est quelque chose qui va être un peu plus exploré sur les prochains épisodes. Là, dans celui-ci, c'est vraiment l'ombre et la lumière, et ça se joue vraiment là-dessus. L'autre point qui est important, sur lequel il faut revenir, bah, c'est vraiment Sam Fisher. C'est toutes ses capacités pour se déplacer. On sent qu'ils sont vraiment fait chier sur les animations pour le rendre vraiment agréable à déplacer, pour que ce soit plaisant de contrôler ce personnage. Alors là, ils ont pas fait, je crois pas qu'ils aient fait de la mocap sur celui-ci. Il me semble ils ont fait des références, alors à la fois de eux-mêmes, des développeurs, pour, tu sais, les petites idle animations, tu vois, tu sais, parfois quand tu restes tranquille, tu sais, ils se grattent un peu la jambe avec une jambe. Bon, ça, c'est les développeurs. Mais après, bah, ils ont regardé des films, tu vois, des interventions du SWAT, du GIGN, enfin bref, de tous ces gens-là armés, comment ils se déplacent, et c'est là-dessus qu'ils sont reposés pour faire les keyframes, les animations pour animer Sam Fisher. Donc il n'y a pas de la mocap à ce stade-là. Et voilà, c'est vrai qu'il y a tous ces mouvements aussi qui sont devenus iconiques par la suite. Il y a le grand écart qui est un truc que tu as envie de placer le jeu. On t'apprend à le faire dans le tuto, et après tu guettes le moindre couloir qui fait à peu près la taille des jambes de Sam Fisher pour te dire, alors là, tu as vraiment envie de provoquer le truc. C'est un truc, parce que ça arrive que parfois ça soit vraiment utile. Je me souviens qu'il y a vraiment un endroit au tout début du jeu où t'arrives dans un couloir et t'as un mec qui va venir directement vers toi, et c'est la meilleure façon de l'esquiver, tu vois. Tu tires sur la lumière, tu te mets en grand écart, tu mets au-dessus de lui, et après tu lui tombes dessus, petit coup sur la nuque, et c'est bon, tu vois. Donc c'est vraiment le moment. Mais après, il y a plein d'autres moments où ouais, tu fais le grand écart, mais parce que t'as envie de le faire, mais bon, c'est pas si utile T'as les archives de la CIA, je crois, où t'as des mecs pas armés et un mec armé, et ouais, tu peux le faire. Je pense que c'est une bonne solution. Moi, je suis allé un peu bourrin pour le coup. Le jeu qui est assez agréable à contrôler. Tu notais d'ailleurs, Maxime, qu'il y avait il y a un peu cette caméra à l'épaule qui est déjà ouais, là. Ouais, parce qu'en plus, on disait, c'est un peu, on cherche encore un peu autour de la 3D. En vrai, tu vois, début 2000 et là, Infiltration, tu vois, MGS, c'était des caméras fixes. Le 2 aussi, c'est des caméras fixes. Des caméras plus ou moins fixes. C'est un peu le bordel, mais c'est pas une caméra. Mais comme le 1, un peu. C'est un peu plus développé, mais c'est pas full libre. Pas full libre. Tu vois, même avec MGS 3, c'est un truc qui sera ajouté, la caméra libre, c'est une des versions. Donc parce que j'ai découvert MGS 3 quand on avait fait l'épisode dessus, et mais c'est moins bien que Splinter Cell, en fait. Je suis pas étonné qu'il l'ait rajouté sur la caméra. Mais bref, donc il y a ça. Et effectivement, parce qu'on parle beaucoup, on a tendance à dire que c'est Hero 4 qui a popularisé la caméra à l'épaule, et c'est vrai, mais en vrai, Splinter Cell, quand tu sors ton arme, c'est littéralement ça, tu vois, c'est cette caméra-là. Donc non, en termes de caméra, ils ont vraiment, tu vois, il y a de la verticalité, il y a des animations, tu vas te déplacer, la caméra, elle est peut-être pas parfaite, mais elle est très bien. C'est bien géré. Encore une fois, techniquement, c'est un jeu qui est à la pointe, en fait, à l'époque, parce que même dans les choix d'animation, alors le coup du grand écart, c'est quand même un peu costaud, mais le fait de pouvoir passer d'une position où tu te balades, tu sais, en mode pont de singe, et ensuite tu passes en cochon pendu, alors on a des noms quand même d'expression en français. Singe, cochon pendu. C'est des expressions de officielles. C'est le CP, la position CP, cochon pendu. Pour passer dans des petits coins, etc., tu sens qu'ils se sont vraiment embêtés à essayer de faire quelque chose de pointu et de... Je vais pas dire qu'il va nous laisser être créatif, mais c'est un peu l'idée. Je pense que c'est un peu ça leur objectif, c'est de te dire, bah voilà, vous avez tous ces petits mouvements-là, toute cette panoplie-là de moves assez cool à sortir, vous pouvez jouer un peu comme ça vous prend. Alors oui, c'est moi pas je encore pense que très libre. Oui, c'est pas très libre, parce que tu vois, parfois tu vois vraiment la gouttière qui passe dans un petit conduit, tu fais, bon bah là, il faut faire ça. Mais en fait, comme tu le fais pas si souvent ça, qui est un truc un peu exceptionnel, et c'est un jeu où on n'a pas du tout la même palette de mouvements qu'on peut avoir dans un jeu moderne, en fait, ça fait plaisir de le faire, parce que tu dis, ah ça y est, je peux faire mon petit move, et tu profites, tu joues un peu. Puis de c'est pas un jeu animations. Si long que ça, entre guillemets. Non, donc, pas du tout. Donc voilà, c'est bien en termes de rythme, t'as plein de situations qui s'enchaînent, quoi. Mais c'est un vrai jeu, il y a quand même un vrai côté power trip, tu vois, où t'es quand même t'es le prédateur, tu vois, c'est pas non plus Batman Arkham où tu vas tabasser 20 mecs, mais t'es dans l'ombre, il y a un mec à 10 cm de toi, il t'a pas vu, t'es potentiellement, il y avait sûrement des images promotionnelles, tu sais, tu vois un mec au-dessus, t'as trois loupiots de verre parce que t'es en train de faire le grand écart au-dessus, tu vas lui tomber dessus, enfin faire le cochon pendu, tu t'infiltres vraiment dans des pièces, personne t'entend, personne te voit, t'es le fantôme, t'es le prédateur, et ça marche super bien. Des screenshots promotionnels du jeu, alors je sais plus lequel c'est, mais qui est vraiment devenu un des trucs iconiques, où c'est ça, c'est en contre-plongée, tu vois le type, et juste au-dessus, tu vois juste deux jambes et trois petites loupiottes. Je pense que je l'ai vu cette image. Ça fait partie des trucs marquants. De toute façon, ça, ils avaient réussi, tu vois. Je trouve que tu vois que c'est des gens qui avaient du nez pour vendre leur jeu, tu vois, c'était un move signature, ça devenait promotionnel, c'était à utiliser. Enfin, tu vois, il y a une compréhension de comment bien vendre leur jeu que je trouve ils ont vraiment réussi. Ça paraît un peu cynique, tu vois, parce qu'il y a ce côté, bon, lui il a le bandana, du coup nous on va faire trois yeux verts. À cette époque-là, ça suffisait en fait, tu vois, parce que ça marchait. Parce que le jeu vidéo il était pas. Tu vois, il y avait de la place en fait pour faire des trucs comme ça. Tu dis, bah ouais, il fait un grand écart, il a trois loupiottes. Et bah qui fait ça? Personne. Alors il avait aussi son move où il pouvait sauter sur un mur, prendre appui et aller à 45 degrés pour sauter sur un autre truc. Celui-là, il est plus technique. C'est l'animation la plus déjà rigide, un peu clunky, bizarre, parce que bon, c'est un peu un double saut en vrai quand t'es contre un mur et il est, tu sais, il est juste tout droit. Oui, il fait vraiment, comme ça, tu sens. Parce que en vrai, humainement, là, il y a pas de référence. tu peux pas sauter comme ça. Il y avait pas les Yamakasi à l'époque. Alors peut-être, mais en vrai, non, mais même tu ne peux pas sauter comme ça. Est-ce que Banlieue 13 était sorti? Parce que là, vraiment, c'est des murs en flubber, tu sais, il met le pied, boing, il rebondit en haut. C'est Mario là. Non, effectivement, il y a un wall jump quoi, littéralement. Non, donc t'es là, t'es bon, très bien, mais et qui est pas toujours facile à même parfois il saute, c'est pas très pratique. Celui-là c'est pas un move que j'ai bien aimé avoir à utiliser. Et puis pendant qu'on y est, c'est vrai que tout ça, il y a toutes ces petites compilations de mouvements qui est intéressante, mais il y a quand même une grosse rigidité à côté, notamment pour choper les gardes de derrière. Ça c'est vraiment un truc, parce qu'aujourd'hui dans tous les jeux AAA du monde, on y reviendra par la suite, il y a ce move là de faire l'assassinat discret ou de juste se pointer dans le dos de quelqu'un et de pouvoir l'attraper sur une douche et hop ça c'est fait. Là c'est vachement plus rigide, déjà faut vraiment coller au cul du gars pour y arriver. Les déplacements, tu vois, ta vitesse, si tu vas un tout petit peu trop vite à un moment, bim, il va t'entendre, alors que dans les jeux basiques maintenant c'est juste t'es accroupi et on t'entend pas quoi qu'il arrive, et si t'es debout on t'entend, donc il y a juste deux modes, donc il y a quelque chose dans le contrôle qui est beaucoup plus simple à appréhender. Et là c'est vachement plus difficile, et surtout tu sais tu peux pas l'attraper un tout petit peu de côté, faut vraiment être être derrière, dans le dos, dans l'axe, et ça y est, là tu peux le choper. Et le nombre de fois où je me suis fait j'ai échoué à faire ce move, je pense que c'est ma source principale d'échec. Ce qui empire vraiment le truc, c'est qu'ils ont en fait ils font donc des patrouilles souvent de garde, mais tu sais ils vont au bout et tout de suite ils font demi-tour. En fait ils n'attendent pas, il y a des moments ils attendent, mais c'est genre en fait que quand ils sont revenus. Mais en général aujourd'hui, genre il part à l'endroit A, il attend 10 secondes, tu sais, il regarde un petit peu autour, comme ça il y a un petit mouvement. Ce mec de Defloop, tu sais, qui pisse là en regardant au bord de la falaise, c'est les IA modernes. Mais c'est ça, genre il va à un endroit, il attend, il revient, il attend, etc. Là, c'est il va à l'endroit, paf, direct demi-tour, il revient et il attendra là. Et en fait, toi, t'étais pas forcément au courant, tu le suis, et vraiment, c'est compliqué. Exactement, mais c'est parce que tu vois, on a vraiment intégré ce code désormais en jouant à des jeux d'infiltration, qu'on suit quelqu'un, il va terminer cette partie de sa ronde, et en fait, il va s'arrêter, et là, tu vas avoir le timing très très large pour pouvoir lui faire le truc. Alors que dans Splinter Cell, tu le suis, et là, au moment où tu penses à ta mec, le mec fait coucou. Comme ça, et il te fait salut. Un exemple de jeu récent qui m'avait choqué, c'est Elden Ring. Parce que Elden Ring, tu peux aussi t'accroupir, t'as parfois des petits ennemis qui font des rondes et et ils en ont rien à foutre des codes de l'infiltration. Pareil, les mecs, ils tournent en rond, enfin, il y a pas, parfois ils font vraiment pas demi-tour. C'est pas leur plus grosse force, effectivement. Mais oui, c'est assez surprenant, et ça, c'est pas si évident. Et puis, encore une fois, il y a pas tous ces mouvements. Aujourd'hui, tu sais, tu te mets derrière un mur, le mec il passe, hop, tu peux le choper par derrière. Tu peux être accroché par les mains. Là, je le fais, c'est vraiment très radiophonique. Mais tu t'accroches sur un rebord, et hop, tu chopes le mec et tu vas le faire tomber. Ça, il y a pas. Il y aura plus tard, mais. Exactement, mais dans ce premier-là, c'est vraiment pas si évident. Et c'est vrai que il y a une côté un peu rigide. Et encore une fois, moi, je trouve dans les façons de sauter, de tomber sur le sol, parfois il y a des moments où je fais du bruit, je fais laissez-moi tranquille. Vous savez que je veux pas faire du bruit, donc faites juste le mouvement où je fais pas de bruit. Ne m'imposez pas de peut-être faire du bruit. Et voilà, il y a ce truc un peu clunky qui fait que le jeu, en vrai, il est pas difficile. Mais tu vas, il y a parfois c'est juste qu'il y a des petites frustrations, il y a des petites couillettes, des petites couillettes, parce que les trucs, voilà, pardon, le terme officiel, c'est dans le jargon, mais parce que les gens se plaignent qu'on utilise trop de mots anglais, donc moi je veux donner le jargon officiel français, cochon pendu, couillettes. Voilà, il y a des problèmes quoi. Et puis, ce qu'on peut terminer pour dire sur toutes les capacités, on a parlé de quelques gadgets. C'est un jeu qui donne pas mal de petits gadgets. Alors, il y a des tasers, il y a aussi une arme, on peut tuer les gens, il y a un flingue et tout. Mais il y a aussi des balles en mousse, il y a des trucs qui peuvent. On peut tirer des caméras qui se collent comme ça sur le mur et qui vont donner une autre vision, un autre champ de vision. Elles peuvent aussi cracher de la fumée, les caméras, tu peux attirer le garde, il vient et tu balances une fumée qui l'étourdit ou qui l'assomme. Ça c'est gadget. Ça c'est gadget. Et j'avoue que c'est même tellement gadget que moi, à chaque fois, les gadgets, je m'en suis servi quand on me les donne. Tu me dis, bon, bah, ok, j'ai le gadget, je vais voir comment ça marche. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose qu'on t'apprend. Tu apprends sur le tas, hein, les gadgets quand tu les découvres. Et après, en fait, comme c'est un jeu où il n'y a jamais de moment où c'est vraiment hyper nécessaire d'utiliser un des outils que t'as, parce que tous les outils sont en ressources limitées, tu vois, des balles en mousse, si t'as plus de balles en mousse, là, t'as plus de balles en mousse. Bah, en fait, t'as toujours une solution qui se repose sur l'ombre et tu dois toujours pouvoir t'en sortir ou juste passer derrière. Oui, ça a des options en général. Ouais. Mais comme le fait de tirer, tu vois, d'abattre des mecs, alors t'as une ou deux missions où de toute façon t'as pas le droit, mais souvent tu n'as pas besoin de tuer les gens, c'est beaucoup plus simple, hein, mais c'est optionnel comme les gadgets qui sont une petite solution de facilité si tu veux passer comme Sachant ça. Sachant que si tu veux, tu peux aussi allumer tout le monde, enfin tu peux tuer les gens purement et simplement et voilà. Faut juste cacher les corps. Exactement. Il y a un truc qui m'avait choqué aussi, et ça c'est toujours de joueurs des années 2020, quoi, même 2010, c'est tu sais, tu peux te mettre contre les murs et tu peux te mettre accroupi contre un mur, tu vois. Tu sais, il y a les fameuses métriques où tu reconnais que voilà, c'est la taille de Sam Fisher accroupi, mais par contre les mecs ils peuvent te voir derrière, tu sais, il y a des moments où tu sais, j'étais vraiment comme ça et le mec il fait hein, mais tu sais, mais frère, je suis derrière le truc, tu sais, pour moi c'est un code de jeu vidéo, je suis planqué derrière l'armoire, t'as pas le droit de me voir, ton champ de vision il est bloqué. Là non, le jeu il a pas intégré ça, donc encore une fois, tu sais, c'est des codes vraiment qu'on a maintenant dans les jeux d'infiltration qui sont des règles quasiment universelles, tu vois, des jeux vidéo, que si tu la respectes pas, t'es là, t'es mais qu'est-ce que c'est cette histoire. Il voit les trois loupiottes vertes. Voilà, il les voit pas dans les couloirs de la CIA, mais quand tu les mets, c'est bon, elle dépasse pas. Petit point sur la loupiote, d'ailleurs, on en a pas forcément parlé dans le gameplay, mais il y a donc c'est des lunettes de vision nocturne, oui. Et donc toujours ce côté power trip, t'as éteint toutes les lumières, tu mets le truc, c'est bon, toi tu vois tout, les autres ne voient rien, donc tu prends vraiment l'ascendant, et t'as aussi une vision thermique, voilà. Et donc toujours un côté un peu next gen flex, t'as beaucoup de des niveaux où t'as de la fumée, et donc là les lunettes de vision nocturne vont pas t'aider parce que la lumière va quand même éblouir parce que elle est éclairée, mais si tu mets le truc thermique, bah tu vois à travers la fumée, tu vois les mecs qu'il y a derrière. Et petit point un peu James Bond machin, tu peux aussi quand quelqu'un vient de rentrer un code, tu mets ton truc thermique l'empreinte thermique sur les touches. Le bouton le plus chaud, c'est celui par lequel il a terminé, ouais. Donc c'est le dernier numéro, donc le plus froid. Tu pars du plus froid au plus chaud et comme ça rentre le bon code. Mais c'est vrai qu'il y a toute une séquence, à un moment on doit s'échapper d'un parking et justement il y a de la fumée partout dans le noir, il y a quelques petites séquences un peu spectacle de temps en temps, y a notamment ce niveau sur la plateforme pétrolière là, où il y a de l'incendie, il y a des trucs qui explosent et tout, et c'est un peu la plus... deuxième mission, je trouvais que ça commençait assez... le jeu commence fort, hein, parce qu'il y a vraiment le tuto, ensuite la première mission où on t'initie vraiment tout le truc, après il y a la plateforme pétrolière, la CIA arrive assez vite aussi, je crois que c'est après quasiment après, donc le jeu commence assez fort, mais c'est vrai qu'il y a quelques séquences comme ça qui sont où il y a quelques scripts, il y a des moments un peu plus scénarisés, où il y a des choses qui vont, un truc qui va exploser, et ça c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus spectaculaire de temps en temps, presque Call of Duty-esque, que j'oserais qualifier, mais voilà, c'est, ça marche. De toute façon, enfin, tu vois, là, c'est une certaine logique, c'est-à-dire que du moment où tu commences à réfléchir à faire des jeux comme ça, avec une certaine importance du militaire, etc., la logique du grand spectacle, elle vient d'elle-même sur la table, mais là, comme c'est le premier épisode de la série, ils sont encore en train de faire des tests, quoi, tout simplement, hein, donc ils vont s'améliorer largement au fil des épisodes. De toute façon, ce que tu vois aussi, où on est quand même sur pas un proto, mais tu vois, en termes de level design, bon, c'est un jeu qui est quand même très linéaire, parce qu'il y a ce côté, il crée entre guillemets les mouvements, les trucs, Sam Fisher qui sait, la lumière, machin. Donc il n'y a pas beaucoup de choix, d'options, parce que comme dit, voilà, c'est déjà très bien d'avoir trouvé la recette, la formule. C'est un peu plus tard après qu'ils pourront un peu proposer différentes options en termes de déplacement. Ouais, c'est pas, t'arrives dans une pièce, puis tu vois en haut, il y a une conduite d'aération. Exactement, c'est pas là, il y a une litière pour le chat, tu peux te glisser dedans. Enfin, il n'y a pas tous ces trucs-là, quoi. Non, les niveaux sont des enchaînements comme ça de micro-situations, presque du micro-puzzle, parce que l'infiltration, globalement, c'est un peu du jeu de puzzle qui est déguisé. Et avec, t'as plusieurs gardes, comment je vais passer, les seuls choix que tu vas avoir, c'est est-ce que vraiment je joue en full infiltration, je me fais pas repérer, je joue vraiment que sur la lumière et les ombres, ou je me glisse un peu dans le dos des gardes, ou alors est-ce que j'en tue un, est-ce que j'en tue deux, est-ce que j'en mets un au sol, etc. Mais globalement, tu vas enchaîner les situations, et une fois que t'as passé un endroit, endroit, tu ne repasses plus, plus par cet endroit. Et surtout, encore une fois, même en termes de structure, les volumes des pièces, c'est assez réduit. Il n'y a pas d'endroit qui est très, très, très ouvert. La fin, quand même, l'ambassade, ça va, c'est un petit peu grand, c'est un petit peu pas labyrinthique, mais il faut quand même arriver à s'y retrouver. Mais bon, c'est vraiment la fin. Et tu as des niveaux comme la plateforme pétrolière où c'est vraiment extrêmement linéaire. Là, tu suis vraiment une. Il n'y a pas de ligne jaune, mais presque, quoi. Mais là où ils vont pouvoir jouer un petit peu sur différents facteurs malgré la linéarité, donc déjà, bah, je l'ai dit tout à l'heure, mais tu as un peu du choix dans ton approche où tu peux être vraiment bourrin. Il y a des missions, quand même, ton fusil, t'as pas des munitions illimitées, mais si tu tires un minimum bien la tête ou quoi, ou tu utilises les tasers, bon, tu peux juste tirer sur les mecs et ça va passer. Donc tu as ce choix-là. Et il y a quand même un truc assez assumé pour les complétionnistes, t'as des ordinateurs bleus, je pense c'est pour viser le 100% ou quoi, qui sont vraiment dans des endroits optionnels, mais souvent surveillés, il y a un garde et t'es vraiment pas obligé de le faire, ça te rajoute de la difficulté ou ça te rajoute un challenge au sein du niveau. Et bon, on pourra en reparler plus tard, mais en plus c'est un jeu à checkpoint, donc si tu foires, tu vas quand même revenir en arrière, donc c'est pas rien en soi. Mais voilà, t'as une petite difficulté à la carte, en fait, tu peux choisir un petit peu de faire ça. Ou sinon, bah, je disais tout à l'heure, t'as certaines missions où ça va être le bureau de la CIA. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que la mission en vrai elle est cool, parce que t'as pas le droit à l'alarme, t'as pas le droit de tuer, parce que bon. Autant l'ambassade étrangère, je sais plus, c'est pas des Américains. Bah oui. Voilà, on peut buter qui on veut, mais la CIA, non. C'est la MIF. Donc, effectivement, c'est comme ça qu'ils gèrent un petit peu le truc, parce qu'on l'a peut-être pas dit, mais tous les niveaux, la plupart, c'est trois alarmes. On peut se faire. Tu peux monter à 3 sur 3, mais la 4ème. Oui, voilà, c'est exactement, c'est ça. Donc, t'as droit à 3 repérages avant de dire, en fait, désolé, Sam, c'est mission, on arrête tout. Voilà. Ou alors, effectivement, tu vas avoir des missions où t'as pas le droit de tuer, etc. Mais voilà, c'est équilibré comme ça. Et après, je crois que si tu passes un checkpoint, ça redescend d'un cran, où il y a moyen de faire redescendre le niveau d'alarme. Ça m'est arrivé une fois, j'étais arrivé à, je sais plus, 4 sur 3, ça relançait le checkpoint et j'étais à 2 sur 3, il m'a enlevé une alarme, tu vois. En vrai, ça c'est bien vu, je pense. Là, pour le coup, tu sens quand même peut-être les playtests ou quoi, où c'était peut-être trop frustrant. Surtout que le jeu, je crois qu'on l'a déjà évoqué, mais si tu laisses des corps dans la lumière, même, pas forcément des gens morts, hein, des gens assommés, dans la lumière, même si tu as eu tous les gens de l'étage et qu'il n'y a aucune ronde qui y vont, le jeu va déclencher une alarme. Ouais, le jeu va décider que scanner le sol. Il y a quelqu'un qui a été laissé de manière trop obvuse et du coup t'as un niveau d'alarme supplémentaire. Donc tu peux taper des alarmes complètement de façon imprévue. Le jeu est relativement malin parce que il te déclenche l'alarme juste après un checkpoint. Donc t'as le checkpoint, ensuite t'as l'alarme et là tu peux te dire merde, ça fait trop, ou t'as eu le game over ou quoi, tu reviens au checkpoint et ensuite tu peux revenir sur tes pas, cacher les corps et ensuite repartir. Exactement. Bah, on l'a dit, c'est vrai qu'il y a presque un côté en y rejouant, il y a presque un côté un peu die and retry parce que les checkpoints sont, il y en a régulièrement. Tu vois, je m'attendais à pire, honnêtement. Je m'attendais vraiment à pire. Je trouve que ça va. Il y a quand même, c'est des petits segments. En fait, c'est assez vite fait quand tu connais. Mais néanmoins, parfois, t'as justement des petits scripts, des petits trucs qui arrivent comme ça et tu fais ah, je me suis fait avoir et tu dois te retaper des trucs. Et parfois, les checkpoints sont pas hyper bien placés. Je me souviens d'un où j'avais un peu galéré et à chaque fois, je devais réouvrir une porte, vous savez, à crocheter parce qu'il y a aussi un système serrure, classique de bullshit. Et vraiment, à chaque fois que je recommençais, je fais allez, la porte, etc. Et après, j'ai commencé à abuser des safe states. Voilà. Ouais, mais un truc, ça m'a vraiment choqué, c'est la toute première mission assez tôt. T'as un mec qui est devant une porte. Et tu peux facilement le contourner, l'assommer. Et en fait, à un moment, il y a un autre gars qui sort. Et tu sais, toi, t'es en train d'assommer le gars. Et vraiment, en fait, tu t'y attendais pas parce que tu dis, bah voilà, je gère le mec qui est devant, ensuite je vais à l'intérieur. Non, le mec, il sort, en fait. Il n'y avait pas d'indication comme quoi il allait ressortir ou quoi. Et ouais, c'est un peu surprenant. Oui, parfois, les gardes, les rondes des gardes sont longues, en fait. Et tu sais, ils ont un comportement, tu fais, ah lui, au bout de 3 minutes, il fait ça, quoi. D'accord, t'es là, t'es OK. Ou à un moment, dans la CIA, il y a une espèce, il y a un mec qui présente son PowerPoint, machin. Et donc t'assistes à ça et là t'as un événement scripté, le mec qui présente il reçoit un coup de fil. Et après bon les mecs ils vont vaquer à leurs occupations, ok, ils reviennent et moi je suis ah merde, ça commence à bouger, je vais dans un coin qui est dans l'ombre et tout, le garde il vient là et là tu fais pas là qu'il fallait se mettre perdu, mais voilà. Pour préciser juste donc sur d'un point de vue technique, donc les checkpoints c'est sur console, mais pas sur PC. Sur PC t'avais la sauvegarde rapide, chargement rapide, du coup bah la version PC doit être vachement plus agréable à jouer, en tout cas tu vas pas subir ces trucs là. Après ça peut faire partie du jeu, tu peux être agréablement, enfin tu peux dire ah mince j'ai raté, ça peut être un plaisir de recommencer un truc pour le faire mieux, mais ça peut être aussi une source de frustration, bref. Et je crois aussi, alors j'ai pas les détails, mais il me semble que t'as peut-être plus de checkpoints, en tout cas c'est beaucoup plus découpé sur les versions GameCube et PS2, parce que justement je crois que d'un point de vue performance, optimisation, je crois que voilà, Xbox, bah, comme c'était une exclu, c'était peut-être mieux développé ou des questions de capacité, je n'en sais rien, mais a priori GameCube et PS2, il y avait plus de temps de chargement, c'était plus découpé, il y a des bouts de niveau manquants aussi, enfin voilà, ils ont optimisé certains. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des checkpoints, je fais ah déjà là, ouais. Juste parce que je passe une porte, tu fais ok, ouais. Très bien. Mais tout ça pour dire que ça fonctionne bien, mais on sent que c'est un premier épisode, quoi, et il n'y a pas vraiment de niveau qui est hyper mémorable. On a retenu la CIA, parce que voilà, les couloirs de la CIA, c'est ça qui nous a marqué. Pas forcément pour les bonnes raisons, non, tu vois, t'as pas scossé. Non, je plaisante, parce que déjà, il met la combinaison complète, quand il y va, ça rigole plus du tout, il est plus en mode Sam, machin, et c'est le fait que, bah voilà, on n'est pas le droit de tuer, ouais. On est sur le sol américain, donc t'as des open space, voilà, un truc un peu comme ça. Il y a un enjeu qui est un petit peu différent, mais sinon, voilà, il n'y a pas de niveau très très marquant, il faudra attendre la suite. Et sinon, sur les petits détails qu'on avait notés, c'est vrai qu'il y a, on en a parlé un petit peu, mais il y a plein de choses qui sont pas forcément expliquées, ouais. Dans le tuto, mais on se disait voilà, c'est cette époque là, ouais. Où bah, c'est dans la notice, parce que moi j'ai quand même tendance à pas mal juger les tutos, c'est est-ce que le jeu m'apprend bien comment jouer. Je sais pas pourquoi j'y pense là, mais j'en avais parlé, je me souviens dans Apex Legends, tu vois, dans les jeux multi c'est un enfer, en fait tu dois aller sur internet, les jeux ne savent pas t'expliquer, enfin, ou ne décident de pas le faire, bref. Et dans les jeux solo, je trouve ça vachement important, mais moi je suis très frustré quand je découvre un truc dans le jeu qu'on m'a pas expliqué, enfin bref, je tombe dessus, mais pas vraiment par l'expérimentation, c'est plus de la chance. Et Splinter Cell, il y a plein de trucs qui t'expliquent pas, tous les gadgets du fusil, le fusil, le fait de tomber sur un ennemi, le fait que ça l'assomme, bah, c'est une info que je trouve hyper importante, et le jeu, parfois, il est pensé un peu comme ça, mais tu relativises beaucoup parce que tu dis c'est dans la notice. Pour le coup, c'est encore une époque où la notice, tu vas avoir les trucs, tu vas lire la notice, c'est dedans. Mais des gens qui l'ont pris d'occasion. Spoil, tu sais, entre guillemets, c'est-à-dire que t'as déjà des trucs de gadgets que t'as pas encore, qui vont te donner au fur et à mesure de mission. Mais bon, bah voilà, tu sais que t'auras ce truc-là plus tard. Ouais, exactement. Ouais. Mais bon, après, si tu le prends en occasion et que t'avais pas la notice, bon, c'est un peu. Tu peux être un petit jour aujourd'hui en 2023. Ouais. Bon, t'es pas non plus niqué, mais bon, tu peux passer à côté de certains trucs. Ouais. Effectivement, pour info, c'est vrai que les notices, elles vont vraiment commencer à disparaître sur la génération d'après, sur la PlayStation 3, parce qu'il y aura du DMAT. Déjà, il y a le DMAT qui va se démocratiser. C'est dans vraiment les boîtes, le passage à la Play 4 où là c'est fini. Oui, c'est fini. Voilà, mais Play 4, c'est fini. Fin mais... PS360, on est sur la fin, ouais. Bah, Steam, de toute façon, c'est début des années 2000, en gros. Donc, déjà, ça va marquer déjà un peu le. Une grosse partie du démat, quoi. On le disait, donc ce jeu-là, c'est le premier de d'une trilogie, en fait, parce que vraiment après, donc il y aura Pandora Tomorrow et Chaos Theory, et vraiment cette trilogie-là, elle itère sur cette formule, et du coup le dernier épisode est considéré globalement comme le meilleur parce que c'est celui qui est le plus abouti, en fait, entre déjà plus d'idées sur les niveaux, je crois, et puis beaucoup de mouvements qui vont être ajoutés, dans le 3, il y a ce côté un peu plus spectacle, tu vois, tu vas aller en Corée, tu vas aller en Japon, tu vas visiter un petit peu du pays, en fait, donc tu vas voir des architecture, des trucs un peu différents. En termes de souplesse d'animation, c'est incomparable. Ils ont un couteau. Ouais, t'as un couteau. Enfin, t'as vraiment plus de moves qui sont beaucoup plus logiques. Et oui, clairement, enfin, même encore aujourd'hui, je pense que c'est un jeu, tu vois, qui reste tout à fait cool à jouer. Enfin, voilà, moi, j'en ai vraiment des très, très bons souvenirs. Mais, et pareil, tu vois, j'ai le souvenir que c'est le plus agréable. Mais à l'époque, il y avait un côté, bon, je viens de faire 3 Splinter Cell. Ouais, c'est vrai qu'ils sortent à un an d'écart. Ouais, quasiment. Je crois que c'est 2 ans après le 2 et un an après le 3. Je crois que c'est 2004. C'est genre un an et demi, un an. Ouais, je crois que c'est ça. Micro parenthèse. C'est assez ouf. Prenez votre Wikipédia, vous regardez la liste des jeux par année de Ubisoft, mais c'est une usine. Enfin, vraiment, dès le début des années 2000, ils arrivent à te sortir 10-15 jeux par an, soit publiés, soit même développés en interne. Et l'année d'un Splinter Cell, tu vas avoir du Rainbow Six, tu vas avoir du Ghost Recon, tu vas avoir du machin. Ça n'arrête pas, quoi. Et on parle vraiment de la trilogie, tu vois, mais après, donc ça, c'est prochaine génération, donc 360 PS3, t'as double agent, mais c'est un an après aussi. Enfin, ouais. C'est 2006. C'est un an après, un an après, ouais. Mais ils changent un petit peu la formule. Qui twiste un peu plus le truc, on n'est plus dans le pur agent de la NSA, etc. Bon, on est en prison, en fait, on doit s'infiltrer en prison et se faire ami-ami avec des terroristes pour soutirer des infos pendant qu'on est en prison. Après, il y a bien sûr tout un tas de missions pure Splinter Cell, mais ils essayent un petit peu de jouer sur autre chose. Sur les 3 premiers, c'est vraiment une même équipe qui a vraiment itéré sur les 3 premiers, et après, justement, avec ce changement sur Double Agent qui sort en 2006 avec le passage sur la HD, tu sens qu'il l'emmène dans une autre direction. C'est tout con, tu vois, même sur les 3 premières jaquettes, il y a les 3 loupiotes, il y a les machins, ça c'est la signature. Alors que quand tu regardes la jaquette de Double Agent, tu sais, c'est lui qui est, tu sais, c'est un mugshot de prison. Et voilà, on sent qu'ils veulent essayer d'en faire un peu autre chose. Ça va être encore quelque chose qui va se vérifier après l'épisode qui sort en 2010, qui est Conviction. Là, c'est assez ouf en fait de se dire qu'en quelques années à peine, tu sais, c'est très très concentré, mais il s'est passé des milliard de choses en fait dans ces années-là. Alors déjà il y a eu Assassin's Creed etc, mais surtout il y a eu deux jeux qui s'appellent Uncharted et Gears of War et qui ont montré en fait qu'il y a un truc qui domine désormais, c'est le TPS à grand spectacle. Ouais, le cover shooter. Les Call of qui prennent de l'ampleur aussi. Splinter Cell et voilà, Conviction, c'est vraiment un TPS. C'est l'histoire. En plus, c'est un peu Taken parce qu'en gros, c'est la fille, c'est Sarah qui est. Elle se fait capturer. On l'a pas dit, mais c'est vrai, dans l'histoire, il y a une espèce de suspense comme ça. À chaque fois, parfois, il appelle Sarah, elle ne répond pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Et tu dis, elle va se faire avoir, c'est sûr. Et en fait, coupure de courant. En fait, non, tout va bien. Elle se fera pas du tout. Mais là, au moins, enfin, elle se fait enlever parce que voilà, on a besoin d'une histoire. C'est un épisode où l'infiltration passe un peu au second plan, entre guillemets. Il y a beaucoup de course-poursuite, il y a beaucoup de grands spectacles. On est sur du TPS. En plus, je crois qu'il est poursuivi parce que du coup il sort un petit peu du cadre légal de sa mission, donc il y a même des Américains. Il a même plus la NSA pour lui couvrir les fesses. Il est un peu tout seul, tu vois, en mode rogue agent. Enfin, bref, c'est un épisode qui a pas mal divisé et qui est pas du tout un épisode marquant en fait de la série, parce qu'ils ont un peu lâché cet ADN là d'infiltration, mais c'est normal entre guillemets parce que c'est l'époque où il y a justement le TPS roi, il y a Assassin's Creed qui est en train de monopoliser de toute façon toute l'attention d'Ubisoft et ils vont essayer de revenir quand même malgré tout en 2013 à un épisode un peu plus classique avec Blacklist, qui est un épisode où là clairement ils reviennent un peu plus Sam Fisher, les Limpiotes, etc. Voilà. Il y a un mode coop aussi qui était très cool, bref, c'est un très bon épisode de pur délire infiltration. Mais déjà en 2013, l'infiltration, en tant que pur genre, on va dire à part entière, c'est déjà en train de disparaître doucement, quoi. Ça commence à disparaître. Alors c'est vrai que tu l'as dit déjà du côté de chez Ubisoft, en fait, ils sont passés. Assassin's Creed. Ils sont passés sur un autre délire depuis 2007. Ils ont découvert que les mecs avec des capuches, franchement, ça vendait des trucs. Les lunettes, capuches. Mais les capuches, c'est vraiment mieux. En plus, c'est plus facile à obtenir pour le grand public globalement d'avoir une capuche que des lunettes. Tu peux le faire toi-même. C'est plus simple. Ouais. Même Stéphane Bern, il a une capuche. On l'a vu récemment sur le Discord. C'est vrai que il y a eu ça. Mais c'est vrai que non seulement il y a Assassin's Creed, mais c'est surtout que Ubisoft vont vraiment rentrer dans leur open world era, et c'est ce qui va définir l'ensemble de leur jeu. On le disait en préparation, c'est ouf parce que déjà 2000-2010, Ubisoft domine. Oui. Enfin vraiment, ils font partie des plus gros éditeurs au monde. Ils ont des super séries, Prince of Persia, machin, bidule, les Rayman et tout, Splinter Cell. Bref, ils enchaînent des gros cartons, et donc ils se disent on en est déjà là. Et en fait, à un moment, ils pètent un plafond de verre et ils se rendent compte qu'il y a une autre ligue encore avec l'open world. Non seulement t'as Assassin's Creed, mais après Far Cry. Watch Dogs, tu vois, il y a un côté l'open world, ça cartonne de fou. Tu disais donc Blacklist, c'est 2013, c'est un an après Far Cry 3, un an avant Watch Dogs. Il y a un côté, je pense, tu compares un peu les succès, ce que ça peut se donner. Déjà en train de doucement en fait lâcher cette période-là de leur existence pour se tourner vers le full open world, le full jeu service qu'on connaît aujourd'hui. Ils sont en train de devenir l'Ubisoft actuellement. Et vraisemblablement, l'histoire, on l'a compris, c'est que Splinter Cell n'était pas soluble. En tout cas, ils n'ont pas réussi à le rendre soluble dans cette nouvelle façon de travailler. Parce qu'encore une fois, Ubisoft, c'est un studio qui est mondialisé, c'est-à-dire que c'est plein de petits studios, c'est un truc qui est très tentaculaire. Et en fait, ils travaillent tous sur ce truc d'open world. Et si demain, ils veulent refaire un jeu plus linéaire, plus à l'ancienne, en fait, ça demande à un studio de se dire vous vous en occupez, mais tous les autres ils savent encore travailler qu'avec des outils pour faire de l'open world et tout, parce que c'est un truc qui fonctionne comme et ça quoi. Justement, en parlant de ça, c'est que en fait là, l'avenir de Splinter Cell, ou en tout cas l'actualité actuelle de Splinter Cell, c'est que y a un remake du tout premier épisode, donc de cet épisode dont on est en train de parler, qui est en développement. Ils ont annoncé donc ça en 2021 qu'ils recrutaient à Ubi Toronto, donc un autre studio canadien, pour faire ce remake là. On a vu quelques images, on a vu quelques trucs. Alors vous m'avez rappelé très justement que c'est pas parce qu'on a vu des images que le jeu ne peut pas être annulé à tout moment, mais ils pataugent en fait. C'est-à-dire que là, Ubisoft, ils sont dans une période de leur existence où si c'est pas un open world sur leur matrice habituelle, ils savent pas, ils n'arrivent pas à sortir des jeux qui ne sont pas un reskin de Far Cry, ou le jeu Avatar, ou un reskin de Assassin's Creed, le jeu Star Wars. Oui, parce que donc c'est littéralement ce qu'on a vu. Et là, les autres projets, il y a BGE 2, on le laisse là-bas. Et puis voilà, même tu vois le remake de Prince of Persia, ils sont pas arrivés à le sortir, il me semble. Devait sortir il y a un ou deux ans. Et plus ou moins annulé en vrai. Oui, et là, pareil, le remake de Splinter Cell, il patauge. De toute façon, Ubisoft traverse vraiment une crise créative, clairement en termes de finances. Ça va bien, globalement, ils rentrent encore du pognon, mais ils ont du mal quand même un petit en ce moment à faire exister leur légende. C'est vraiment un studio qui a une existence assez fascinante entre guillemets, même s'il y a des événements assez sordides. Déjà il y a eu leur crise interne où ils ont perdu leur fameuse cellule éditoriale avec Esquette, etc. Et donc à raison, parce que c'était des problèmes, ils l'ont pas perdu, vendu parce que c'était la merde, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ils en sont toujours pas sortis. Enfin, ouais. Du coup, il y a toujours des mouvements internes d'employés qui essayent de faire améliorer les conditions de travail chez Ubisoft. Ils en sont pas sortis. Et c'est bien de continuer de vouloir lutter là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que ils ont traversé déjà cette période-là. Il y a eu la crise avec l'Assassin's Creed où ils ont dû réinventer la série, entre guillemets. Il y a eu le Covid. Ils sont partis dans leur délire où à un moment ils nous parlaient de NFT, de Bitcoin et de conneries comme ça. C'est pas fini, je crois. C'est pas encore complètement fini, mais bon, voilà. Et en fait, on se rend compte que là, aujourd'hui, en 2023, à part les très gros projets de third party avec du coup Star Wars et Avatar, Assassin's Creed, ça patauge aussi. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles du projet Red ou du projet Jade ou je sais plus lequel là-dessus. Le projet Infinity, Mirage, on voit bien que c'est un spin-off avec beaucoup moins de moyens que les autres. Bon, de toute façon, peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de tout ça, mais c'est vrai que voilà, Splinter Cell a été laissé de côté parce que c'était une licence qui vraisemblablement était déjà peut-être qui est de moins en moins populaire et c'est de plus en plus vrai aujourd'hui. Bon, il y en a eu 6. Hein, oui, voilà, ils l'ont bien exploité à ce moment-là et c'était plus forcément soluble dans la matrice open world d'Ubisoft. Et puis il y a un autre truc qu'on voit, c'est que le genre infiltration, en fait, c'est un genre qui lui aussi s'est dilué dans les formules des AAA. Et tout ce qu'on disait, ces trucs d'assassinat discret, de machin, etc., plein de composantes qui sont là dans Splinter Cell, c'est des composantes maintenant, ça devient des sous-composantes en fait du format action-aventure généralisé qu'on connaît aujourd'hui. C'est comme le RPG en fait. Exactement. Hein, tu peux l'intégrer à tout. C'est un truc qui vient se glisser comme ça. C'est des petites sous-couches de gameplay. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on prend du recul et on se dit, des gros jeux d'infiltration, ça n'existe plus vraiment, c'est-à-dire qu'il y a de l'infiltration partout, on peut retrouver des traces de ce genre-là un peu partout, mais par contre, des grosses licences qui sont centrées autour de cette histoire dans la sphère du AAA, il y en a quasiment plus, c'est-à-dire que MGS 5, c'est 2015. Ouais, donc ça fait 8 ans quand même maintenant de ça. Hitman, continue d'exister, ils ont et ils encore, ont c'est un format qui est particulier, etc. Est-ce qu'on peut dire que c'est du AAA? Ça reste, mais en tout cas, c'est un des rares, c'est un des derniers, tu vois. Aujourd'hui, je peux en avait noté quelques-uns, mais il y a eu Styx, du coup ça c'est chez Cyanide, mais c'est du double A pur et dur, donc c'est des petits jeux entre guillemets, où là où on était sur du pur infiltration. Il y avait Dishonored, mais pareil, c'est une licence dont on n'entend plus trop parler, en tout cas aujourd'hui, ça peut ressortir. On n'est pas à l'abri d'un 3, on sait pas. Sinon, style différent, mais oui, Shadow Tactics, Desperados, ils ont annoncé un nouveau jeu dans un univers. Oui, Shadow Gambit, j'en ai parlé récemment chez moi. Et non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, dans la petite sphère des jeux d'infiltration, il peut y en avoir. Il y a des volumes aussi de Mike Bissell là, qui était sorti. Enfin, il y a toujours des jeux comme ça, mais dans le AAA, en fait, c'est juste intégré à tous les autres jeux. Enfin, tu prends n'importe quel jeu first party Sony sorti dans les 10 dernières années. Il y a des herbes, tu te mets derrière Horizon, Last of Us, Ghost of Tsushima. Et puis même, tu vois, des jeux, je sais pas, Plague Tale, tu vois, où ils essayaient de faire du AAA, même s'ils sont peut-être pas encore tout à fait à ce stade-là, mais c'était dans ce délire-là. Ils sont clairement pas au niveau de Last of Us, mais c'est cette formule-là, quoi. T'enlèves quelques zéros au niveau du budget. Non, après, t'as les jeux d'action, genre God of War, lui, il va vraiment privilégier le combat. Ouais. Hein, c'est sûr. Lui, il aura récupéré la partie RPG, tu vois. Tu vas avoir de l'équipement, tu vas avoir des herbes de talent, etc. Mais Assassin's Creed, à partir du 3, il y a les hautes herbes, tu vois. Et puis Assassin's Creed, dès le début, il y avait un délire infiltration. Mais c'est quand même, ça faisait partie de la. Far Cry 3 aussi, t'avais ce côté. Oui, t'avais, tout à fait. Non, mais c'est ça, c'est pour dire qu'en fait, tu sais, quand tu regardes l'histoire un peu distance, tu vois Prince of Persia, tu vois Splinter Cell, tu vois ces trucs-là qui ont existé à cet endroit-là. En fait, tu les décortiques un peu, tu reprends des éléments ici et tu les réinvestis dans des jeux, dans des licences. Soit c'est plus du FPS, soit c'est plus de l'action-aventure comme Assassin's Creed. Et on rebidouille. C'est une évolution assez logique parce que déjà, tu as cette envie de grand spectacle, de réalisme. Donc, du coup, Nathan Drake, il peut pas être constamment en train de courir avec des gens qui lui courent dessus. De temps en temps, il doit se reposer, il doit se cacher derrière un truc. Il va se mettre dans les hautes herbes. Le 4, avec son système de végétation, il était assez bluffant là-dessus. Et du coup, c'est ça, en fait, l'infiltration devient juste une option. En fait, c'est juste une option que tu vas avoir dans ces jeux-là. Et comme la technologie permet de mélanger des gameplays, parce qu'à l'époque, tu vois, on le disait, juste tirer dans une lumière et la lumière s'éteint et ça change la vision, c'était déjà suffisant pour en faire un jeu vidéo. Exactement. Quoi. Là, aujourd'hui, c'est qu'une petite partie du truc. C'est 6 arbres de compétences. Il y en a un qui est consacré à... 3. Parfois c'est 6, hein. Ah, oui. Raison, le 2 oui, c'est 6. Oui, 6, hein. C'est 6. Ouais, maintenant, bon, c'est... 3 c'était pas assez. C'était pas assez. On en avait parlé dans trop long. En vrai, c'est aussi intéressant parce que tu vois, Plague Tale, en vrai, tu vois, il y a pas mal d'infiltration aussi et t'as quand même du puzzle basé sur la lumière. Il n'y a pas que ça, mais où là c'est l'inverse. C'est plus. Donc tu t'éloignes les rats avec la lumière, donc c'est plus la lumière où tu es safe et l'ombre qui est dangereuse. Donc il y a quand même des petites choses qui sont faites, mais oui, c'est pas. Clairement, c'est pas tous les jeux. Mais c'est ça, c'est que l'infiltration, maintenant, bah, c'est. C'est juste un ingrédient, tu vois, oui, t'as un grand burger de trucs et c'est un des ingrédients des jeux vidéo c'est modernes. C'est un moment que t'auras, tu vois, dans les Batman aussi, Batman Arkham, bah il y a des moments où tu vas jouer avec les gargouilles. Ouais, c'est ça, un peu bah, on l'avait dit, tout, mais... Batman c'était vraiment plusieurs piliers, tu vois, il y avait le truc exploration, voler, etc., les grosses bastons et après les moments où tu joues le prédateur là sur les gargouilles. Et une fois que t'es repéré, bah tu peux quand même te battre. Donc, bah oui. Et puis peut-être terminer sur cette idée voilà de MGS Killer, est-ce qu'ils ont vraiment killé MGS? Je ne pense pas que c'est eux qui l'ont killé, Konami a su le faire. Konami a su le faire comme tout des seul grands, comme des grands, ils avaient pas besoin d'Ubisoft. Mais par contre, moi je trouve, tu vois, qu'on regardait un peu les chiffres de vente, on regardait aussi le succès populaire. En fait, à ce moment-là, il y avait la place pour une autre grosse référence d'infiltration et Splinter Cell l'a été au moins pendant quelques années et je pense que voilà, si Sam Fisher est devenu une icône, alors peut-être pour les gens de notre génération, peut-être pour les gens qui ont une vingtaine d'années, c'est peut-être un peu moins vrai, peut-être non, que ça leur parle. Il est arrivé dans Fortnite peut-être Sam Fisher, tu vois, il y a non, mais c'est ce que j'allais dire, tu vois, aujourd'hui Sam Fisher, oui, il va être dans un jeu mobile, il va être dans Rainbow Six Siege, mais voilà, voilà, intégré chez Ubisoft, ouais. Il est pas aussi iconique qu'un Snake ou un truc comme ça, même si bah, Snake aussi avec le temps hein, va perdre de son aura, la légende va s'estomper, mais en fait ouais, je trouve que le pari était vraiment réussi quoi, et surtout quand tu prends les deux jeux côte à côte, même MGS2 qui sort un an avant, ou tu prends MGS3, en fait c'est des propositions qui étaient vraiment différentes, et Splinter Cell avait ce truc, tu vois, de caméra, de machin et tout, enfin tu vois MGS3 ça sort, je crois c'est 2004, et tu vois bah là il y a déjà eu au moins le 2 Pandora Tomorrow, voire le 3 qui est sorti, et en fait tu vois MGS3 c'était encore la caméra, c'était encore un peu le bordel, enfin il y avait et c'était en plus, pas juste pareil vraiment, tu vois. Alors MGS alors je pensais au 4, mais parce que tu vois quand t'as déjà sorti Chaos Theory et tout ça et que t'as un MGS 4 avec ses cinématiques de 45 minutes, on a vraiment oui ça y est vois, c'est vraiment c'est les deux séries n'ont en plus fait, rien oui, à voir il y a, en fait, y a hein. vraiment plus grand chose à voir, et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est que il parlait d'un MGS Killer, mais c'est deux trucs qui pouvaient totalement coexister parce que c'est pas du tout du tout le même délire. Il y a plus le côté survie, jeu avec l'environnement, oui, enfin, c'est pas vraiment le même délire. Ça reste un zinzin. Ouais, c'est Slot qui joue avec ses flingues, tu vois. Pendant 3 minutes. Il n'y a pas globalement ça dans. C'est l'infiltration japonaise. Voilà, c'est exactement, à la Kojima. Voilà. Très bien, je crois qu'on a fait le tour pour cet épisode de Splinter Cell. C'était cool, encore une fois, de se repencher. On les aime bien, ces jeux-là. On a déjà fait Prince of Persia, Beyond Good and Evil, Splinter Cell. Ça y est, il manque plus que 13, l'adaptation ouais, de la série. Peut-être bon, je sais pas, sur du Rayman, je sais pas. Moi, j'avais joué à Largo Winch. Il y avait ces jeux-là, ouais. On verra. Ouais, t'avais pas mal de petits trucs. Hein, King Kong, il y avait un King Kong aussi. Il y avait aussi, le jeu King Kong, effectivement. Mais très bien, voilà, c'était cool de revenir sur ce jeu-là. On vous remercie de nous avoir écoutés. On remercie notre sponsor Top Achat. Vous pouvez aller sur leur site si vous voulez vous monter votre nouveau PC avant la rentrée. Vous avez tous les composants qu'il faut sur Top Achat. On les remercie de sponsoriser Fin du Game. Et puis, si vous voulez nous aider là sur la colonne vertébrale, investir directement dans le flux Fin du Game, eh bien c'est via Patreon, notre page est disponible dans la description. On se retrouve dans je sais pas trop combien de temps pour le prochain épisode, c'est pas encore précisé. Prenez un dessin. Ce sera 30, soit dans 40. deux semaines, mi-août, c'est bien pour attendre un peu. Très bien. Et on parlera de BioShock Infinite. Ce sera aussi la fin de la blacklist. Les votes seront clos au moment de la sortie de l'épisode. Donc voilà, et la saison va se terminer comme ça. Spoiler hein, pas, je l'ai déjà dit, il y aura pas d'épisode surprise cette année. Il y aura rien de surprise. Les surprises, c'est qu'on se repose. Et qu'on reprend la saison après en septembre. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Ciao. Ciao. Ouais, toi qui m'écoutes là. Retiens le message. Qui est l'exemple? Moi, je vais te dire la vérité. Ne fonce pas déconner. Joue pas au rebondé. Tu te feras détrôner. Faudrait mieux raisonner. Ne fonce pas déconner. Ne fais pas, tu me connais. N'aie pas la réponse. On sait plus que trop qu'on est passé. En banlieue, tu peux lire la routine. rétine, l'amertume à travers la rétine de mes yeux. Parmi les victimes du système, je suis le narrateur du pourquoi. Ce mode de vie, on en connaît tous la cause, mais bon voilà quoi. Faut faire quelque chose pour nos rejetons. Et si je t'en passe, parce que nos mères ont les jetons. Avis à la génération bouton, 10 à la vingtaine, tourne le bouton. Prête attention au message, très important. Considère ces informations comme une alerte. Toi qui es en pleine formation, avant que mon pouce soit déclaré inerte, il m'incombe d'éviter de courir droit à ta perte. On se met blessé d'illusion, la plaie bien ouverte en plus de la télévision. Et l'influence que porte le mauvais exemple, bitume l'engrenage est de plus en plus ample. Mais qui est l'exemple? Et celui qui s'instruit se détruit en séjournant en tôle en faisant du mal à autrui. Mais qui est l'exemple? Celle qui s'instruit se détruit en pensant qu'à se divertir de mec et de boîte de nuit. Les grandes sœurs servent de modèle à nos petits frères, à nos petites sœurs, rof l'avertisseur. J'ai fait des conneries de grande envergure, mais faut bien qu'on change un jour, même si c'est hyper dur. C'est de long droit chemin, trace ta route, ne te retourne pas. Chacun sa chance, pour certains la roue ne tourne pas. Ne fume pas, ne t'saoule pas. Pour ta maman et ton avenir, va à l'école, ne déconne pas, ne traîne pas. Rien à gratter à part des problèmes d'argent sale et d'embrouille qui devient écrit à la haine. Car on n'a plus que des bêtes féroces comme aliens. Croisant mon expérience, je suis la philosophie de la haine. Y'a pas de destin commun, fille ou garçon. Nous sommes les parents de demain, Inch'Allah, attention du bon exemple, faut s'identifier, faut se méfier, démoraliser d'un jour. Une fois contaminé, on devient sourd. Confetti, les croqués, c'est par couverture. Combien d'années dure la vie d'un voyou, un monde se faire condamner. On donne des bons conseils aux nouvelles générations, tandis que les cons essayent de troubler nos opérations. Chacune de mes phrases coûte cher. Si je te raconte de la merde, ça peut te coûter très cher. Je compte pas passer ma vie sur le béton. Faire des gosses, les voir béton. Pour quelques bâtons, un coup de bâton, leur expliquer les spétons.